Vous êtes retrouvé au niveau du hôpital. Si mes souvenirs sont bons, un petit peu à mi-chemin entre la ville et la forteresse. Et justement, vous aviez commencé à échanger quelques mots rapides sur ce qui s'était passé la dernière fois. Je sais pas si vous voulez qu'on revienne là-dessus ou directement qu'on enchaîne. Non, ça va, c'était une période sombre. Moi, je veux juste jauger, est-ce que du coup, Mokosh continue à me faire la gueule ou pas? Parce qu'on a beaucoup voulu. Ah bah. Je l'ignore. Non mais. Tu sais, je te jauge et tu ignores ton comportement. Exactement. Bon bah, je suppose que j'arrive pas à jauger puisque madame veut même pas répondre. Non mais du coup je... Non, pas spécialement. D'accord. Bon, je note. Tu es plus susceptible sur les petites filles que sur les bagarres. Vous mettez ça sur le compte de la drogue? Comment tu sais qu'on était drogué? Ça faut pas le dire. Mais est-ce qu'à leur tête, je peux voir si elles ont eu une soirée plutôt compliquée Dans le sens par rapport à la drogue ou bah, la drogue ou oui voilà est-ce que en parce général, que bon tu peux distinguer en effet quelques cernes mais ce qui est toujours un petit peu le cas sur leur visage mais rien de méchant en soi. Oui. Au niveau de la drogue, tu remarques quand même que ton mollusque s'agite légèrement lorsque tu t'approches de lui. Un poquito, ça va. Et je suis complètement Quand j'arrive devant et que je m'aperçois que ça bouge, je fais ah. D'ailleurs, mon sport est à jour, monsieur le MJ. Oui. D'accord, oui. D'accord. C'est vrai qu'il était monté très haut, mais il était redescendu. Oui. J'étais à 9 sur 10, du coup. D'accord, d'accord. Et tu n'avais gagné aucun point de spoliation permanente, donc c'est bon. Donc, du coup, Itori, tu peux approcher et voir ton mollusque qui fait bloup, bloup. C'est ça, qui s'agite légèrement, rien de bien méchant, mais tout de même. Vous reprenez ensuite la route en direction de la ville de Ferth, où vous avez rendez-vous, si je puis dire ça ainsi, avec le juge d'Albert, qui vous avait engagé lors de votre toute première mission. Il y a cela maintenant quelques mois tout de même. On pourrait même presque dire une demi-année. Pas tout à fait, mais finalement ça s'en rapproche, puisque les premières parties, elles, étaient très espacées, les unes des autres. Très bien. Le chemin qui mène à Ferth, lui, est plutôt calme. Vous y voyez de moins en moins de personnes. Vous ne croisez pas autant de ferrailleurs qu'avant. Vous remarquez quand même qu'avec le temps, les gens, les voyageurs se font de plus en plus rares. Sans doute lié aussi avec la guerre, avec les clans. Tout le monde a peur de se retrouver seul sur une route. Alors bon, de temps en temps, vous croisez quelques légions d'hospitaliers qui se rendent dans leur forteresse. Et vous passez même pas très loin de la forteresse d'Arnsberg, que vous voyez au loin, des espèces de grands murs. Vous savez que c'est la forteresse où sont entraînés les préservistes. qui sont donc la caste guerrier des Spitaliers. Ceux qui portent des masques à gaz et des lance-flammes. Vous savez deux, trois choses qu'on raconte à propos de cette forteresse. Comme quoi, tout y est dirigé d'une main de fer par leur commandant, leur seigneur. Et qu'ici, les gens, on leur retire toute notion du bien et du mal, qui sont complètement aliénés et transformés en créatures dépourvues de sentiments en soi, capables de brûler des familles entières sans même avoir le moindre remords par la suite. Bah ça va, c'est Dorix. Et puis, vous vous éloignez. Vous reprenez des petits chemins. En rejetant quelques coups d'œil à vos cartes, vous arrivez assez facilement à vous repérer. Le trajet pour aller à la ville de Verte n'est pas extrêmement long. Toutefois, vient tout de même un moment où vous commencez à ressentir la faim qui vous appelle. Vous êtes actuellement en plein milieu d'un grand chemin désertique, qui n'a rien à l'horizon. À part peut-être quelques ruines vaguement au loin. Et puis des dunes de sable. Beaucoup de sable. Qui donne un aspect très ondulé au décor qui se fait autour de vous. Vous avez du mal à distinguer l'horizon. Et entre deux dunes, parfois, vous croisez également un cratère. Ça va faire quelques heures que vous marchez, il est actuellement proche de 13-14 heures. Est-ce que vous décidez de vous arrêter, de manger ce que vous avez avec vous ? Vous préférez par exemple tenter de chasser ou bien de continuer à tout prix ? Non, on peut manger nos rations, on a acheté ça pour ça exprès. Non. Très bien. Dites-moi simplement quel type de ration vous souhaitez manger. Sachant qu'il vous reste des insectes séchés, de la viande blanche, de la viande rouge et des insectes caramélisés. Je propose viande blanche, mes amis. Ouais. Oui. Très bien. Doric, fais-moi un jet. De résistance à la viande blanche. Non. Alors, attendez. Pour être sûr. Et là, on voit Tori qui est en train de déchirer la viande. Ouais, non, faites-moi tous un jet d'instinct survie. Ah merde, la viande a périmé. Avec une difficulté de 2. Oh, je la sens mal, celle-là. Alors, oh là là. Survie, c'est où ça déjà survie ? Ah, instinct. Tac, instinct. Survie. Oh, j'ai 3. Oh, j'ai pas difficulté de 2. 3 succès, dont un déclencheur. Alors attends, ça c'est un 6, ça c'est un 6. 5 succès, pas de déclencheur. 3 succès, 2 déclencheurs. Ok. Vous, en voyant l'aspect de la viande, vous... Donc la viande qui, pour rappel, a été séchée, vous constatez qu'il n'y a absolument aucun danger au fait de l'ingérer. Vous regardez le reste de vos rations, et c'est également le cas. Vous ne prenez aucun risque en la consommant. Mais qu'il faut des coups de pression. ce qui n'est pas souvent le cas vu les chaleurs que peuvent atteindre le désert. Oui, mais habillé bien emballé. D'accord que la viande séchée, ça va tenir plus longtemps que la viande blanche. Alors je considère que toutes les rations de viande que vous possédez sont plus ou moins séchées. Ouais. Parce que c'est comme ça que ça se vend, parce qu'en effet c'est comme ça que ça se conserve mieux. Oui, ça serait bizarre dans un monde genre. Sauf en effet dans certains endroits où les gens veulent la viande un peu plus saignante, mais ça va être dans de grandes auberges avec beaucoup de fréquentation qui sont sûrs de la liquider. De s'en séparer. Alors qu'en effet, pour des voyageurs, ils vont pas. Voilà, ils ont besoin de pouvoir manger sur plusieurs jours. Okay. En tout cas, je félicite Abby d'avoir bien pacté tout ça pour que ce soit dans cet état. C'est gentil, merci. De rien. Du coup, voilà, vous arrêtez quelques instants sur des rochers pour manger. Il n'y a pas une âme qui vive à l'horizon. Touric pourrait bien en profiter pour nous raconter une petite légende de la région. Je regarde vers le ciel et je me pose la question, est-ce que je pourrais le faire? Bah écoute, fais-moi un jet de légende. Donc, pour rappel, il s'agit de la compétence... Légende. Intellect, légende. Et comme je n'ai toujours pas de légende, ce sera intellect. Eh bien, je vais peut-être t'apprendre des choses. J'ai, sur mes 3 dés que j'ai lancés, j'ai 2 succès, dont 2 déclencheurs. Mm-hmm. Ok, très bien. Je suis inspiré aujourd'hui. Je vais t'apprendre des choses, Abby. Alors, tu réfléchis un petit peu. Et puis, tu te rappelles une histoire que tu avais entendue. À propos d'un docteur. Un hospitalier. On raconte qu'il y a de cela une bonne... vingtaine, trentaine d'années. Il aurait effectué un pacte avec la mort elle-même. Et les rumeurs qui vont à son sujet prétendent qu'il en est devenu complètement immortel. Qu'on l'aurait parfois même aperçu à plusieurs endroits au même moment. Qu'il aurait mené des expériences interdites et qu'il aurait réussi à embrigader d'autres hospitaliers avec lui. Qu'il se serait rendu voir des créatures avec qui il aurait parlé, on ne sait pas trop, et que des gens seraient à sa recherche. Alors, tout ça c'est assez vague. Il n'y a pas grand chose de croustillant. Sauf que tu sais, toi-même, que l'un de tes supérieurs... jure l'avoir vu il y a de cela quelques années et qu'il était absolument identique à celui qu'il était il y a déjà plus d'une trentaine d'années. Alors, peut-être que tout ça pourrait être vrai et qu'il aurait réussi à découvrir le secret de l'immortalité. Un peu de la jeunesse éternelle, quoi. Parce que ici, il reste. Exactement. Du coup, voilà, je dis ça à Abby. C'est ça. Abby, je sais pas comment tu prends ça. Parce que ça t'intrigue. C'est des choses. J'ai opté pour une histoire un petit peu plus courte que la dernière, puisque c'est juste le temps d'un repas. Alors que la dernière fois, c'était vraiment le temps de tout un trajet à pied. Bien sûr. Mais ça me permet de continuer à valider un peu mes compétences pour un futur level-up. Bien sûr. Après cette histoire qui parle donc de ce docteur, qui se prénomme d'ailleurs le docteur Ernest Vasco. Tout à fait, oui. Évidemment, il agrémente ça de 2-3 anecdotes par-ci, par-là, qui ne sont pas d'ailleurs forcément en lien avec l'hôpital, mais plus le monde qui vous entoure. Par exemple, de cette forêt de psychovores qui grandirait, qui pousserait en plein milieu de l'Africa et qui aurait des propriétés assez intéressantes puisque elle serait en guerre avec l'amorce et la sepsie qui rongent votre partie du continent. Wow. Certains hospitaliers ont depuis peu réussi à faire un compromis avec les Africains et à envoyer un détachement là-bas, sur place, pour étudier ce phénomène, puisque l'Africa est en fait complètement envahie également de son côté. Même si une grande part encore subsiste, ils n'ont trouvé aucun moyen d'affronter cette menace grandissante. Et pendant que vous parlez comme ça, que vous vous êtes concentré, vous allez chacun faire un jet de perception. Oui, monsieur. Alors, perception, j'ai combien? Et Mokosh, tu peux me jeter un dé supplémentaire. Ouais, parce que ma fiche. Ah. D'accord. Parce que Torik, tu pas histoire. Et les histoires de Torik, si tu dis pas de bêtises, tu n'y as jamais vraiment prêté attention. Oh putain, mais dis donc, ouais. Faut pas que je fasse tout BG maintenant, là, parce que sinon. Alors, moi, 3 réussites. 4 réussites, 3 déclencheurs. Mm-hmm. 4 réussites, pas de déclencheurs. C'est tout nu comparé à moi, parce que moi, j'ai fait. Attention, 0 réussite, dont un échec critique, en fait. J'ai fait 2. Ok. Ouais, enfin, bon, avec tous les déclencheurs. La bite se crève l'œil avec un os. Mais. Dans ta viande, non. Le MJ qui attendait absolument le premier échec critique pour m'en foutre plein la gueule. Quoi. Non, évidemment, non. Ton œil est morte. Je vais vous parler. Toi, Mokosh, ton regard se perd un petit peu. Je mens sur cet horizon ondulé de dunes pour essayer de déterminer la ligne d'horizon qui devrait délimiter l'espace. Et puis, tu te rends compte qu'au loin, justement, cette ligne d'horizon a l'air un peu trouble. Quand tu regardes vraiment au loin, tu vois très clairement une ondulation, un petit peu comme lorsqu'il fait très chaud et que on a cette étrange sensation que le... Enfin, oui. Que ça voilà, bouge. Que l'image... C'est une illusion d'optique, quoi. Un peu. Exactement. Et puis, Torik, toi, tu parles, et puis il y a un moment, tu remarques quand même que, simplement en regardant si Mokosh est autant captivé par tes histoires que Kaby, bah, tu remarques son intérêt pour ce qui se passe autour. Et puis, tu le mets à regarder également. Et tu arrives à comprendre ce qui la dérange. C'est qu'en effet, au loin, de là d'où vous venez, le sol semble tourbillonner. Et ça se rapproche. Puisque cette espèce de tourbillon se fait de plus en plus gros. Alors, toi, ça fait longtemps que tu vis en Borka. Puisque tu y es né. Et tu sais clairement de quoi il s'agit. C'est sans doute l'une des fameuses tempêtes de sable qui sont de plus en plus rares, mais qui sont malheureusement toujours présentes. Je bah, pense du coup, que d'ici une demi-heure, elle devrait être sur vous. Bah du coup, je dans assez rapidement, je leur fais état de ce qui se passe et de l'urgence, comme quoi il faut se mettre à l'abri parce qu'une tempête de sable sera sur nous dans 30 minutes. Pour rappel, chaque année, dizaines et des dizaines de personnes meurent étouffées dans ces tempêtes de sable puisqu'elles sont incapables de respirer et leurs poumons se mettent à brûler tellement... Enfin... Ouais, ça sera voilà, plus sable. Exactement. Ouais, ils bouffent du sable, quoi. Mmh. Du coup, voilà, les filles, faut qu'on bouge, faut qu'on trouve un abri. Ouais, mais on est au milieu de rien, non? Bah ouais. On peut difficilement, refaire une perception. dans le dernier des cas, on peut essayer de se trouver un petit cratère qui est entre deux dunes. Ça sera pas incroyable comme protection, mais si j'en crois ce qu'on m'a déjà raconté ici et là, si cela apparaît à peu près RP, normalement on pourrait limiter les dégâts. Mais ça, c'est vraiment la dernière des solutions normalement. Donc, ça serait mieux de trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on a autour de nous concrètement? Alors, du sable. Concrètement, vous avez du sable, des cratères que et des du dunes. Sable. Au loin, vous apercevez quelques ruines. Mais surtout, toi, Torik, tu possèdes un masque à gaz. oui. Les masques protègent justement des tempêtes de sable. Et là, je regarde les filles. Ah ah, on se moque plus de moi là. Mais en effet, voilà, il n'y en a qu'un seul. Et vous êtes. C'est quoi cet homme qui, genre... Ah, vous allez mourir. Non, mais bon... Hein, vous dites que j'avais l'air ridicule avec mon masque. Bah maintenant, on voit t'as dit que t'avais l'air ridicule. Ridicule. Je vous propose de nous diriger vers les ruines et de voir si on peut pas barricader quelque chose ou trouver peut-être un abri de fortune à l'intérieur. Qu'en pensez-vous? Très bien. Ouais. On a 30 minutes, alors maniez-vous. À remonter votre camp et puis vous commencez à partir. Toi, Toric, de temps en temps, tu jettes des petits regards en arrière. Et puis, au début, tu voyais que cet espace d'ondulation faisait la taille de ton doigt. Il fait désormais la taille de ton poing. Les ruines sont à environ une centaine de mètres devant vous. Vous ne mettrez pas encore trop de temps pour les rejoindre. Vous y serez à temps. Encore plus loin, vous commencez à distinguer les silhouettes de maisons, mais en très bon état cette fois-ci, qui entre deux dunes sont là. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des gens, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir les rejoindre à temps, sauf si vous vous mettiez à courir. Je vous laisse donc le choix entre choisir les ruines qui sont plus rudimentaires et ou alors prendre le risque de rejoindre les maisons. Qui vous offriront sans doute une meilleure protection, quitte à risquer de plonger dans la tempête. Est-ce que ce serait possible de tenter un jet de perception pour à peu près calculer, avoir une idée de combien de temps ça nous prendrait ? Alors sans te demander de jet, en effet tu vois clairement c'est possible. Après, tout dépend de votre endurance si jamais vous arrivez à l'atteindre ou pas. D'accord. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. C'est que vu qu'elles sont loin, si le sol est plus ou moins praticable, donc c'est, ça peut vous demander plus ou moins de temps. Ce serait un jet de stamina, alors. C'est ça. C'est PRP comme ça. Question. oui, moi, désolé. Moi, je dis que j'ai pas de masque à gaz, donc du coup, je préférerais quand même être le plus à l'abri possible, quitte à courir. Moi, je dis que je suis toujours d'accord avec mon coach. Bah, moi en soi ça me dérange moi parce que forcément j'ai le masque à gaz, donc même si je venais à être un peu juste pour arriver là-bas, j'ai toujours le masque à gaz. On court, tais-toi, on court. Mais oui, mais on court, mais moi c'est lui qui... Voilà. Bon, cours. Oh, courons. Ok, très bien, vous vous mettez à courir. Faites-moi donc chacun un jet physique. Vigueur. Je mets mon masque. Avant toute chose. Alors, je vérifie juste un détail pour vraiment être sûr que ce soit bien la vigueur et pas plutôt l'athlétisme. Ah, ça dépend. Genre, vigueur, c'était. Parce que je me souviens de la course avec le jet méthane. Oui. Vigueur, c'est sur le temps, genre si on s'épuise, alors que l'athlétisme, c'est l'effort brut. Et athlétisme. Bah, du coup, je vais vous laisser le choix. Soit l'athlétisme, soit la vigueur. Considérant que l'athlétisme part du principe que vous mettez directement à courir le plus vite possible. Et que la vigueur, vous essayez de vous économiser. Étant donné que les maisons sont plutôt loin, non, moi, je vous autorise à faire les deux. J'espère qu'on va venir m'aider. Maintenant aussi, avant de vous donner les résultats, question, qui porte les affaires? Vous les répartissez en trois? Normalement, les plus grosses des affaires, c'était Toric, à part s'il a changé d'avis. C'est moi. Mais si on me croit pas, hein, les spectateurs de cette vidéo pourront aller voir les premiers épisodes dans lesquels on avait mentionné. Moi, le seul truc que je porte en plus de mon poids, donc il va peut-être porter mal, c'est le fusil de Toric que je lui porte gentiment parce que je sais qu'il n'y a pas de place. Tu parles du fusil à pompe ou de son. Fusil de chasse. C'est celui qu'on a chopé, ouais. C'est sur l'ennemi là. C'est le fusil à pompe. Parce que Toric, ouais. Là, j'ai encombré. Alors, annoncez-moi d'abord les résultats et on verra ensuite. J'ai écrit sur le chat, mais. Ah, ok, excuse-moi. Non, c'est pas, c'est juste comme pas ça. Sur le bon. J'ai fait deux réussites en gros. Ok. Moi j'ai une réussite. Fait... Oh un succès. Mais un déclencheur. On va mourir ce soir. Vous commencez mais à. J'ai mon masque. Sur la droite. Dans le but de rejoindre la maison. Malheureusement, vous êtes absolument pas assez rapide. Toric, tu te retournes. Vous commencez à entendre la tempête au loin. Et puis, vous avez cette espèce d'odeur, comme si... C'est assez étonnant, mais... Le fait qu'il y ait tout qui soit balayé comme ça au loin, ça... Alors, vous savez pas si c'est psychologique ou pas, mais le sable semble être beaucoup plus lourd maintenant qu'avant. Vous commencez à courir. Vous devez gravir une des dunes pour rejoindre les maisons. À ce moment-là, Mokosh... Tu te prends le pied dans une espèce de trou qu'il y avait dans le sol qui devait tenir entre deux planches qui étaient là, tu sais pas trop pourquoi. forcément, ça vous ralentit. Touric, toi, tu te retournes et malheureusement, toi, t'es extrêmement ralenti, c'est surtout par tes affaires. Puisque tu portes plus d'affaires que tu ne peux emporter. Normalement. Ce qui ne te gêne pas au jour le jour, mais dans des actions comme ça, si. Ouais. Et on, est-ce qu'on a un visuel sur, enfin, on a toujours le visuel sur chacun de nous. On est, sure. On commence à, on a toujours le visuel sur les autres, les uns les autres. Oui, bien sûr, oui. Vous êtes toujours à côté. La tempête n'est pas encore sur vous. Bah, Amy, je veux aider Mokosh et on continue à courir tant que. Ouais, bah, pareil. Je l'aide aussi. De toute façon, moi j'ai le masque, donc je suis pas embêté en soi pour l'instant. D'accord. Donc tu gardes tes affaires. Ah bah oui, je porte, hein, parce que les autres, je suis... En gros, c'est pas grave si moi je suis pris dedans, puisque j'ai les masques. C'est les filles qui doivent d'abord arriver plus vite que moi, en fait. C'est quand même une tempête, hein. Je pense que c'est quand même violent. Oui, vraiment, mais je veux dire, je peux me permettre d'avoir un en peu plus, de retard sur vous. Il a une combinaison imperméable, donc en effet, s'il a un masque, ça... Oui, c'est vous la priorité, quoi. Mmh. C'est vous la priorité. Ok. D'ailleurs... ressortent justement du sable des planches ou des bouts de ferraille et quelques pans de mur, mais c'est assez rare. Refaites-moi donc chacun un jet d'athlétisme ou de vigueur avec une difficulté de 2. Ah bah c'est mieux! Putain, les Yamédé ils font du suspense et tout. Hein. J'ai deux succès. Pour deux ne pas vous prendre la tempête. Deux succès. Trois réussites de déclencheur. Un déclencheur et un échec critique. Mais oh. Ok. Mais attends, comment tu peux avoir déclencheur et un échec critique? C'est pas comme ça que ça marche. Non, mais tant que l'échec dépasse pas le succès, oui, c'est bon, ça. Hein. Tant qu'il n'y a pas plus de mince. De 1 au-dessus de... Exactement. Vous commencez à courir. Cette fois-ci, vous sentez la tempête qui est juste dans votre dos. En effet, ça vous entoure. C'est vraiment une espèce d'énorme nuée de sable qui se jette sur vous. Vous commencez à sentir l'air qui vous étouffe. Vous êtes obligé de retenir votre respiration pendant que vous courez. Ça devient un exercice plutôt difficile. Vous sentez vos cœurs qui battent dans vos poitrines. Ça en devient douloureux. Toi, Toric, tu commences à arriver au niveau du palier de l'une des maisons. Tu vois, c'est des baraques qui ont l'air complètement désertes. Tu fous un coup dans la porte qui s'ouvre. D'un coup, dedans, tu vois un espèce de petit espace, tout ce qu'il y a de plus lambda. Ça doit être des chasseurs ou des... Enfin voilà quoi, des habitants de la région, mais qui pour l'instant ne sont pas là. Lorsque tu te retournes, t'aperçois Abby. Tu lui tends la main, ce qui lui permet de rentrer le plus rapidement. Mais à ce moment-là, au moment où elle rentre, tu aperçois derrière elle Mokosh, qui est dos à dos avec la tempête. Bah, du coup, je. Globalement, dans moins d'une seconde, elle sera complètement. Prise à l'intérieur. Mais du coup, ce que je fais, c'est, elle est loin de moi. Enfin, en distance, elle est à combien de moi elle de la porte? À une vingtaine de mètres. Donc c'est assez proche encore. Bah du coup, je cours. Je cours. Je vais au plus vite et j'essaie de. De la choper pour la ramener très bien. Aussi, Mokosh, tu comprends que tu vas complètement être prise dans la tempête. Est-ce que t'as un réflexe? Tu vois Tori qui retourne donc à l'extérieur sans doute pour aller te chercher. Tu fais quelque chose en particulier? Je continue à courir. Ok, tu continues à courir. Les yeux ouverts, quelque chose ou tu... Toujours, je pense que je suis trop dans la précipitation pour réfléchir à changer mon... Très bien, pas de soucis. Voilà. Ok. Toric, tu t'élances. Tu vois Mokosh qui est complètement prise dans la tempête, qui claque la porte derrière toi. Tu habites à l'intérieur. Tu vois Toric qui vient de ressortir. Puis plus rien. Tu vois en dessous des fenêtres qui ont été fermées, des volets, le sable qui arrive quand même à s'infiltrer à l'intérieur. Pareil entre les planches au niveau du toit. et t'entends cette espèce de crépitement qui du sable qui se projette sur les murs à l'extérieur et qui laisse des petits bruits assez désagréables. C'est quand même relativement violent pour du sable. Pendant ce temps-là, Torik, tu vas me faire un jet d'instinct perception. T'es complètement pris dans le sable. Toi, t'es protégé par ton masque, mais tu ne vois absolument plus rien. T'arrives à peine à distinguer quelques rapides silhouettes. Alors, j'ai deux succès, dont un déclencheur. Ok, très bien. Toi, Mokosh, pareil, t'es complètement prise dans le sable. D'un coup, t'es projeté en avant et tu sens le sable qui commence à s'infiltrer dans tes yeux, dans tes oreilles, dans tes cheveux, dans tous tes vêtements. Tu étais obligé du coup de fermer les yeux qui commencent légèrement presque à pleurer tellement en fait ça a vraiment piqué. Et d'un coup tu sens Tori qui t'attrape. Toi Tori, t'as réussi à la voir et puis tu te rappelles quand même un minimum de sa position à travers ça. Bah ce que je fais c'est que dès que j'arrive à son niveau, donc déjà on part, j'essaie de me retourner de là où je viens, enfin si j'y arrive. Okay. Et mais dans la foulée, je récupère si je peux la veste, le grand manteau que j'ai pour qu'elle se le mette sur son visage en fait pour se protéger. Ok, le visage. Très bien. C'est une bonne idée. D'un coup, tu en effet tu jettes le manteau autour de vous. Et du coup, Mokosh, alors je sais pas si tu as, en tout cas moi j'en ai un, si personne en a, et je vais te demander de jeter un D4. Et tu vas retirer un au résultat. Okay. Bah du coup, si je retire un, ça fait un. Très bien, donc tu perdras un point de vie. Ce qui n'est pas une blessure à proprement parler, mais tu sens quand même, forcément le sable va s'infiltrer dans tes anciennes blessures, ce qui ne va pas améliorer ton cas. Parce que ça va réouvrir. Voilà. Ouais, je me suis bien fait défoncer en plus dernièrement. C'est ça. C'est pas ça qui manque. Torik, je vais également te demander un jet d'orientation. Avec une difficulté seulement de 1. Est-ce que je peux lui donner un avantage en hurlant leur nom? Tu veux crier leur nom à travers la porte? Bah oui, parce que comme ça va l'aider à s'orienter. Tu peux me jeter un dé supplémentaire, Torik. Ouais, tu te rappelles à peu près le chemin? Ouais. Et ben j'ai que un succès. Et ben, ça c'est mon dé, ça. C'est grâce au dé d'Ali. Grâce au dé de ouais, de. En fait, tu fais cette espèce de mouvement circulaire pour jeter le manteau sur Mokosh et la protéger. Malheureusement, la conséquence c'est que le fait d'avoir bougé comme ça, tu es incapable quasiment de retrouver de là où tu viens en fait. T'as peur de t'être trompé. Alors tu commences à te diriger, puis tu vois plusieurs silhouettes, tu sais pas si c'est la maison ou une dune. Et puis d'un coup, à partir de l'une de ces silhouettes, en plus donc vraiment de tout le bruit qui se fait, il faut vraiment imaginer le sable qui s'éclate en permanence sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui arrive en collision, donc en obstacle. T'entends une espèce de voix étouffée au loin. Et tu comprends, t'arrives comme ça à te diriger à peu près vers la maison, donc celle où se trouve Adi. T'arrives à tâtons et puis en passant ta main le long d'une fenêtre, t'arrives à trouver la porte. Bah j'ouvre et on s'engouffre, non. Ok, très bien. Je fais. En fait ça ira. J'allais demander un jet de force mais ça serait pas approprié. T'arrives à ouvrir la porte, Mokosh tu rentres à l'intérieur et tu la claques derrière toi. Toi, tu vois le corps de Mokosh, surtout du coup les parties à découvert, qui est criblé de sable, qui sont absolument partout maintenant sur son corps, donc dans les cheveux, partout, dans les yeux, sur le grand manteau qui l'a mine de rien pas mal protégé. Et tu vois du sang qui coule à certains endroits. C'est rien, j'ai eu pire. Est-ce que je peux m'en occuper? La première fois que tu parles, Mokosh, tu t'es obligé de cracher un peu au sol et justement tu vois du sable qui se mêle à ta salive à ce moment-là. Ça donne énormément de crédit à ma phrase. Moi j'ai. Pire ça. Tu disais, Truc. Mais du coup, est-ce que je peux m'occuper d'elle? Parce que, accessoirement, je suis médecin, donc ça peut être sympa. Je sais pas si tu t'en souviens. Bah oui, bien sûr, bah fais-moi un jet de médecine. Médecine? Ok. Oh. Avec une difficulté de 2. C'est un peu futile, mais. Bah si, ça va m'être utile, hein, parce que. Ouais. Parce que j'ai fait que 2 réussites. Ah bah écoute, comme quoi. T'as vu, hein? C'est combien de dés? Juste pour savoir. Pour rappel. On me signale à l'oreillette que j'ai fait un échec. Si j'avais pas vu, j'ai fait 3-1. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle. Deux succès et 3-1, donc. Bah j'ai fait trop de 6 tout à l'heure, alors maintenant fallait bien que ça équilibre. Il sort un scalpel et il m'ouvre le ventre. Ok, du coup, Toric. Toi, t'es quand même complètement un peu sonné par ce qui vient de se passer. Tu sors ta trousse de ton sac, puis tu commences à appliquer des bandages humidifiés sur Mokosh. Le but, c'est simplement de retirer le sable pour ensuite appliquer du désinfectant sur les blessures et lui permettre de vachement éviter que ces dernières s'aggravent. Sauf qu'au moment où t'appliques les bandages sur Mokosh, tu vois, Mokosh, tu sens une énorme espèce de douleur acide au niveau de ton bras. Et toi, Toric, en voyant sa réaction, tu te rends compte que tu t'es simplement trompé de produit. Mais avec le sable que j'ai. Exactement, et puis t'agis beaucoup trop vite. Ouais. Ce qui ne te réussit rarement. Et Mokosh, tu vas me retirer un des 4 points d'ego. 4. Oh putain, Mokosh. Oh, c'est pas maintenant qu'il faut faire les réussites. Non, mais de toute façon, en plus, Charlie, c'est salaud, un D4. Tu sais très bien que Sato et les D4, ça fait des. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que je peux pas les changer sur la fiche. La prochaine fois, je t'autoriserai à lancer un D6 à la place. je te donnerai ma part de d'insectes pour moi faire pardonner. Heureusement toutefois, le produit en question que tu as appliqué n'est pas mortel, ni corrosif, ni rien. Est-ce que ça la désinfecte au moins? Il y a pas de chance. C'est pas du tout à ça que ça sert à la base. À la base, ça sert à entretenir tes armes contre, enfin ton équipement. Ah ouais, d'accord. Ok. Pas le désinfecter, vraiment à l'entretenir. C'est de l'essence, quoi. C'est comme une essence. Il m'a foutu le carburant de son lance-flamme, là. Ouais. Oups, désolé. Ouais. Ton côté Mokosh, tu tombes un peu en arrière, tu sens ton esprit qui vacille un peu après. Comme si le produit en question te montait un peu à la tête. Alors, wow. Tu te poses contre un mur et puis. Content d'entendre le crépitement du sable contre les murs et puis de voir justement des petites nuées de sable qui passent à travers les planches de la maison. D'ailleurs, vous avez comme cette sensation que la maison devient de plus en plus étroite, comme si les murs allaient exploser d'un moment à l'autre. Et vous comprenez que vous êtes vraiment au cœur de la tempête. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on va attendre que la tempête passe avec un petit repos. Alors, quand je parle de repos, je parle pas de dormir et tout, genre, tu sais, comme si rien ne se passait. Mais genre, je voulais pas extrêmement bien décrit, mais la pièce en soi, en fait, c'est une maison, mais une pièce. C'est-à-dire que vous avez un lit, qui est un lit de place qui est entreposé. À l'opposé de là où vous êtes rentré, à côté de vous, il y a quelques placards. Également, ce qui semble être une cuisine. Et un pot de chambre. Juste s'asseoir et attendre que le temps passe. Très bien. Ce genre de truc, quoi. Vous vous asseyez. Quelques heures plus tard, la tempête est complètement retombée. Lorsque vous rouvrez la porte, vous dégagez un tas de sable. Haut d'une cinquantaine de centimètres. qui s'était déposé juste devant, dans l'encadrure. Dehors, c'est comme un lendemain de neige. Tout est uniforme, vous voyez absolument plus rien, plus une ruine à l'horizon. Le chemin, la route qui était alors présente à quelques mètres, pareil, a complètement disparu. Même si vous arrivez quand même plus ou moins à la deviner entre les dunes. Le sable rouge a désormais pris vraiment possession de tout le décor. Et ça va être plus compliqué pour vous de retrouver votre destination. C'est chier. Je vais donc vous demander un jet à chacun d'orientation. Vous allez pouvoir cumuler les déclencheurs qu'on double. Je vais vous demander 9 réussites. Ah, ça tombe bien. 3 réussites, 2 déclencheurs. Très bien. Alors, toi, ça, tu fais 5. 2 réussites. Réussites. 2 réussites chacun ? Oui. Ça fait pile 9. Hein. Pile poil 9. Heureusement qu'Abby était là. Toi, Abby, cette route, tu la connais déjà. Tu la connais même bien. Et t'as aucun mal à te repérer après la tempête. Vous êtes quand même assez étonné de cette faculté qu'elle a de s'adapter à n'importe quoi. Et puis, au bout de quelques heures, vous arrivez enfin au niveau de la ville de Fert, qui, elle, visiblement, n'a pas été touchée par le phénomène, puisque vous avez... petit à petit, presque en dégradé, vous êtes reculé de des traces de la tempête de sable. À l'entrée de la ville, vous croisez des groupes de juges qui s'en vont sur leurs chevaux avec leurs foulards et leurs lunettes de soleil. Pour vous donner une idée d'ailleurs, voici l'une des images. J'aime pas les juges. Oui, tu les vois comme d'habitude, qui te regardent un petit peu de haut depuis leurs chevaux. Comme si tu n'étais, quoi qu'il arrive, qu'une vague criminelle et que. Ils n'attendaient que tu commettes qu'une seule crasse, la moindre crasse, pour pouvoir ensuite t'enfermer sous les verrous. Même si finalement les prisons sont quand même assez rares. La plupart du temps, ça consiste en tatouages. En le fait justement de déposer des tatouages sur les corps des gens pour leur rappeler leurs crimes. Gemetan va bien s'en foutre. Ce sont des tatouages pour la plupart temporaires. Donc, oui, au final, les... Ce sont des tatouages malabar. J'ai vraiment senti le malabar. Enfin voilà. De toute façon, je les aime pas. Vous rentrez en ville et puis vous découvrez justement ce qui est typique d'une ville à juge, en effet, puisque vous avez cette architecture justement presque un peu western pour vraiment être dans le cliché des juges, mais avec leurs écuries. Et ce côté un petit peu shérif qui déambule dans la ville. Et en milieu, en plein milieu de la ville, un grand bâtiment qui sert sans doute de réunion pour les congrès. Et vous savez que c'est ici que doit se trouver Dalbert en ce moment même. On était censé faire quoi déjà ? Lui parler ou tabasser ? Lui parler. Mais ça va, je pensais que je serais plus long, les amis. Oui, j'ai fait quand même une petite ellipse, mais en effet, le voyage n'est pas extrêmement long. Vous êtes arrivé, vous êtes parti le matin à la première heure, et là, la nuit commence à peine à tomber. Oh, mais on pourra aller lui parler. Ça, après, je voulais le gérer, hein, c'était surtout votre idée. Bah, du coup, là, par rapport au moment où on est censé le voir, on devait le voir avant ou après la fameuse... Après la rivière. Et là, c'est, parce qu'il, il va c'est après, là, ou avant, là? Là, la réunion s'est déjà passée? Normalement, la réunion devrait avoir l'air chemin... Enfin, devrait avoir lieu plus ou moins maintenant. Ah, bah du coup, on peut aller se reposer. On du sait coup, qu'il on va peut rester... se reposer et le voir le... Oui, le matin. C'est ça. Non, je sais pas. Vu que vous avez vu des juges quitter la ville, vous pouvez supposer que... Elle a peut-être été légèrement avancée, ou après c'est peut-être une coïncidence, mais c'est potentiellement des juges justement qui quittent le congrès. Ouais, sinon on peut leur demander, hein. Je pense qu'il y a pas... C'est pas suspect de demander si la réunion est finie ou pas. Ouais, ils sont partis là. Tu vas poser la question à l'un des juges? Non, vous en croisez d'autres. Voilà. Oui, à un des juges, je leur demande, dites-moi, est-ce que la réunion est finie ou vous y allez? Tu vois, t'abordes justement l'un des juges qui était posé là, en train de fumer un cigare accoudé contre un banc. Et il lève la tête et puis fait, la réunion, vous voulez dire... La réunion. Bah oui, la réunion. Vous êtes envoyé par Sarah? Ne dis pas oui pour rigoler. Alors Sarah, je me rappelle plus qui c'est. Mais on connaît pas de Sarah. Sarah, c'est... Sarah, ben non, je sais qu'il y avait une hospitalière qui était sympa avec nous là. C'est pas elle? Attends, j'ai peut-être son nom dans mes notes, mais je sais pas. Bon, là, Abby sort un carnet de notes. Donc, non, mais en vrai, c'est chaud parce que cet instant-là, en vrai, il est pas RP parce que sinon, c'est-à-dire qu'il fait « J'attendais par ça » et puis t'as Tori qui se retourne « Attends, c'est hospitalière ou pas ?» Oui, non, mais je me dis que c'est le joueur qui se rappelle plus, c'est pas l'hospitalier. On est d'accord. Et j'ai pas noté son nom dans mes notes, je suis désolé, donc je ne peux pas te répondre. Non, mais oui, en effet, Sarah, c'est la fameuse Sarah Reich que vous avez rencontrée plusieurs fois déjà, deux, trois fois. Notamment à Moonlutter, et puis la dernière fois. Ouais. Je dis oui. On l'a croisée d'ailleurs. Justement, oui, parce que elle devait être présente, et puis on l'a pas vue. Ouais, ils ont croisé une. Des clanistes un peu avant et donc elle a dû rebrousser chemin pour s'occuper des blessés et du coup on est venu un petit peu pour elle quelque part. Ah ok donc, d'accord. Voilà. Ok tant mieux, j'ai eu peur. Avec tout ce qui se passe. Du coup la réunion est... Et oui est du finie, coup la réunion pour en revenir à votre question initiale est terminée. Ah d'accord. Okay, écoutez, merci beaucoup. Et du coup, vous avez un message à transmettre de sa part ou Bah en fait, pas spécialement. C'était pour savoir ce qu'il en résultait de cette réunion. Mais bon, je pense que peut-être il y aura. Oui. Ce qu'il en résultait, c'est qu'on allait envoyer des hospitaliers dans le nord pour s'en occuper. Et puis, alors des hospitaliers et des juges, en espérant que tout se passe pour le mieux. D'accord, mais écoutez, je lui transmettrai l'information, mais je pense qu'elle essaiera de vous contacter par la suite pour avoir de plus amples détails suite pour l'opération. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Tu vois, il te fait un signe avec son chapeau et puis il repart dans ses affaires. Streamer. Connard. Et là, je regarde les filles, j'ai dit, oui, ça passe. Non. En plus, maintenant, je sais qu'il a envoyé les hospitaliers dans le nord. Qui réapparaît dans la rue avec deux chevaux à la main. C'est bon, ils sont prêts. Et puis le premier jette son cigare au sol et puis qu'il avait presque fini et puis presque comme une clope qu'on jetterait dans la rue. Et monte à cheval puis se dirige vers la sortie de la ville. Du coup, est-ce que on voit plein de juges, donc est-ce que par hasard on reconnaîtrait pas notre juge à nous? Notre Adalbert. Sur les plusieurs juges Adalbert. Que vous apercevez, non, vous ne le voyez pas. En effet, ils ont l'air tous plutôt jeunes, ce qui n'était pas le cas du vôtre. Puisque c'était un vieil homme aux cheveux blancs. Bah, il faut rentrer dans le bâtiment, écoute. Mais non, mais on va se reposer, on fera ça demain, on s'en fout. On sait qu'il y a... De toute façon, on sait que c'est après la réunion qui va être... Mais c'est après la réunion qui va rester sans garde. Ça sert à rien d'aller le chercher avant. Mais elle est finie, la réunion, ouais, elle est finie, la réunion. On est dans le après de la réunion. Là. Mais oui, mais ils nous avaient parlé, je crois, de 2-3 jours de manœuvre. Hein. Et à un moment, il faut se souvenir des dialogues, les gens. Ouais, mais il faut savoir où il est pour avoir les 2-3 jours de manœuvre. Mais tu vas te reposer et on va le chercher demain. Faites pas chier. Il va faire nuit, les gens. Est-ce qu'il y aurait l'équivalent d'une taverne, un truc comme ça, où pourrait y avoir des juges qui prennent un coup de saloon slash hôtel sur le côté. Bah, du coup, bah, de toute manière, il faut qu'on y aille. De toute manière, il faut qu'on y aille si on veut se reposer. C'est pas bien grand, alors ça doit être l'une des seules. Bah, du coup, je demande aux filles. Je dis aux filles, bon, bah, allons là-bas et puis on pourra peut-être avoir plus d'informations au sujet de notre petit Adalbert. Du coup, vous traversez cette ville en direction du petit motel. Et c'est vrai que ça a vraiment, je pense, cet aspect un peu ville western avec ces bâtiments plutôt petits en bois pour la plupart, ce qui est assez rare puisque dans The Genesis, la pierre est moins précieuse que le bois, donc plus répandue. Mais vu que vous vous trouvez à côté d'une forêt, ici, ils peuvent plus facilement se le permettre. Et donc ça, plus les chevaux et les juges habillés en cow-boy, ça donne vraiment une ambiance particulière. Vous arrivez au niveau du petit motel. Vous rentrez, puis vous apercevez justement ce petit décor tout sympa. Ici, quasiment tout est en bois. Vous avez un tapis rouge qui orne l'entrée, puis quelqu'un qui vous accueille. Un homme au crâne rasé avec une petite moustache. Un peu à la Hercule Poirot. Bah, écoute, je lui dis bonsoir, hein, parce que je pense que là c'est la début de soirée. C'est ça, oui, comme je vous le décrivais tout à l'heure, au moment où vous avez aperçu la ville, au loin la nuit commençait à tomber. Bah, du coup, je dis bonsoir. Bonsoir. Et puis je lui dis, oui, est-ce que vous auriez. De quoi passer la nuit et se restaurer. Oui, bien sûr. Bah, nous sommes trois. Comme chambre, des chambres plutôt luxueuses ou vous vous contenterez d'un dortoir Prenez le luxe, on a besoin de se reposer après. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une tempête. Ouais. Ça peut être facile. Non. On s'en a besoin de. Non. Ça passe. Du coup, quels sont vos tarifs et que proposez-vous? Alors, pour le repas, généralement, on fait une espèce de menu à 10 lettres de change par personne, et puis ça change à peu près tous les jours. Donc, on laisse pas trop le choix au client, si ça vous dérange pas, mais c'est plus pratique pour nous. Oh, y a pas de soucis. Qu'on mange. Pour l'organisation, vous comprenez? Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et pour les chambres? C'est grand pour les chambres, ouais. Ah, pour les chambres, simplement, c'est 5 lettres de change la personne la nuit dans les dortoirs. Et puis sinon, les grandes chambres, elles sont à 15 lettres de change. Okay. Et on en a une aussi avec une baignoire, si vous voulez, mais là... Non, ça ira pour la... Ok. Attends, je regarde Mokosh. Elle était vraiment salement amochée, ou... Elle est légèrement... Non, en fait, elle est quand même un peu couverte de sable, mais après, Le sable en soi est quand même un peu parti, je veux dire, il est... Je prends celle avec une baignoire, j'espère qu'il y a un lit double dedans, mais... Oui, bien sûr, en fait, il y a deux chambres dans une seule chambre, plus la salle de bain. D'accord, bah, on prend ça. Ok, bah ça fera 50 lettres de change. Je paye tout. Ok, plus les repas pour trois personnes. Autant vous les facturer maintenant. Vas-y, plus les repas, ça me fera 70, si je sais compter, je crois. Attends, 6. Oui, 4, voilà. 80. 40 et 30, c'est ça. Ah, 40 et 30, oui, 70 du coup. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est dans 50 et 30, donc oui, 80. Oui. Mais, c'est 50. Merde, merde, il avait oublié. Mais non, il a pas oublié. J'ai dit n'importe où. Oui, non, c'est même pas RP, hein, c'est vraiment le MJ qui est complètement. Voilà, du coup. Bon, alors 80 là. Voilà, je paye les 80. Ok, très bien, je te laisse mettre à jour ta fiche. C'est déjà fait, qu'est-ce que tu prends? Bah du coup, vu qu'il nous a... Bah, on sait déjà où on va dormir et tout, je dis, j'en profite et je dis, écoutez, là, je sais qu'il y a eu une petite réunion des juges. Est-ce que vous connaîtriez par hasard le juge Adalbert? Juge Adalbert... Ah oui, bien sûr, il crèche ici. Vous le connaissez? Oui, oui, c'est une connaissance. Vous savez combien de temps il reste? Il compte rester chez vous? Ou pas? Je sais plus, je crois qu'il m'a pris une chambre pour quelques jours. Pourquoi? Vous voulez que je l'appelle? Ouais, parce que bah, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et du coup on va peut-être profiter de. Répondons à sa question! Faut répondre à sa question, Tina. Mais pas maintenant, putain! Non, on veut pas le voir maintenant. Merci, non, pas tout de suite, hein, mais. On va lui faire la surprise. Bon. Voilà. Ah, d'accord. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait plaisir de se voir. J'adore les surprises. Ouais. Ça va être sympa. Ouais. Très ironique, si on aurait prévu le tuer, ça aurait été plus drôle. Parce que t'as prévu. Pardon? Ah, pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah du coup, moi je me dirige, ouais. Je pose mes affaires dans la chambre. Les chambres sont à l'étage, hein, comme dans la plupart des auberges. Vous avez donc le salon, on va dire, slash salle à manger en bas, et puis à l'étage, vous avez les chambres. Vous avez du coup, j'ai posé mes affaires dans la chambre du fond, et qui en fait, du coup, plusieurs accès. En fait, on va dire, imaginez une espèce de grand couloir avec des portes les unes en face des autres, et tout au fond du couloir, donc une porte qui ferme l'espace, je sais pas si c'est clair. Oui, je pense. Et du coup, cette dernière porte plus les deux donc à côté qui sont l'une en face de l'autre, en fait, forment une seule et grande chambre contenant donc une chambre avec un lit de place, une autre chambre avec un lit de place et une salle de bain avec une baignoire. Ah oh bah t'as vu que tu vas avoir la place pour dormir. Bah c'est parfait. Merci à toi. Bah écoute, fallait bien nous décaper, je pense, après tout ça. Surtout bah madame. Du coup, j'en profite pour poser mes affaires et tout, et puis attendre les filles pour aller manger un bout ensemble. Ouais, ben moi, en priorité, je vais aller prendre un bain pour pas qu'il y ait des conneries qui s'infectent ou ce genre de conneries. Ok. Parce qu'il m'a quand même versé un produit pas très... Bah, c'est de l'essence. Ça va pas s'infecter, de l'essence. Au pire, ça va te cramer les plaies, mais ça va pas s'infecter. Tu vois, simplement, en fait, à côté de la baignoire, mécanisme plutôt rudimentaire, mais qui finalement marche bien, en fait, t'allumes un feu en dessous d'une espèce de grand réservoir d'eau. Et ce qui permet petit à petit de faire couler de l'eau chaude. Alors ça prend du temps, mais le temps que vous vous installiez, toi, voilà, quoi, c'est au moment où tu prends ton bain, t'arrives en effet à avoir de l'eau plutôt chaude. Et bah forcément, voilà, tu commences à retirer tout le sable qui avait envahi ton corps. Pendant ce temps-là, Abby et Toric, vous. J'attends. Ok, d'accord. Moi, tu t'installes. Ben moi, je rangeais mes affaires, je m'installe un petit peu, puis j'attends que les filles soient prêtes pour aller manger. Pour qu'on aille manger ensemble. On attend que Mokosh s'occupe d'elle. Moi, je vérifie les armes, notamment celle de Tori, comme je sais qu'elle s'est déjà verrouillée une fois sans comprendre. Maintenant, si on a du temps comme ça largement devant nous, vérifier, tu sais que toujours tout marche bien, la poule un peu. Tu entretiens l'équipement. Je vais demander un jet d'agilité artisanat. Un jet agilité esquive. Là, il me casse ce truc. Non, c'est juste pour savoir pourquoi pas à quel point tu te débrouilles. Il n'y a pas de succès à obtenir spécialement. Ça serait drôle, tu fais s'il te plaît un test d'agilité discrétion. Tu sais pas. Non, artisanat, si tu le rates, c'est pas grave, mais si tu peux réussir, donc. Deux réussites sans déclencheur. Ok, très bien. Oui, bah t'arrives à t'occuper de tout le matériel pendant que vous n'êtes pas là, et en effet, ça évitera que vos armes s'enrayent à l'avenir. Ouais. En tout cas, dans un avenir proche. Pendant que pendant sa douche, je raconte l'anecdote à Tori, parce qu'on n'avait pas eu le temps de okay. raconter. Donc oui, je vous raconte la fois où mon larme s'était envoyée. Et c'est vrai ouais. que tu remarques que ce que tu viens de faire était quand même... c'était pas bête du tout, parce que il y a quand même du sable qui s'était infiltré dans certaines armes. Et surtout dans, quand il y a des mécanismes... Bon, tu sais pas si ça peut poser problème, mais dans le doute... Ouais. Il est mieux que ça se passe bien. Le soir même, vous descendez manger, après que Mokosh soit sorti de son bain. Et une fois arrivé en bas... se mélange quelques juges et clanistes. Mais vous n'arrivez pas à percevoir Adalbert parmi eux. Il n'a pas dû manger ici. D'autres alors, choses à on vous sert un ragoût avec du pain. Et puis des plantes et des légumes. Qu'ils ont dû récupérer en bordure de forêt. Et d'ailleurs, vous entendez encore parler de cette forêt. Si vous jetez l'oreille un petit peu sur les tables qui vous entourent. Il y a notamment un juge qui est un claniste, qui discute et qui parle des gens qui rentrent dans la forêt et qui n'en sortent pas. La forêt des déserteurs, le dernier espoir de ceux qui quittent l'armée helvétique ou le rang d'hospitalier. Et qui veulent pas qu'on les retrouve. Mais bon, au fond de vous, vous savez que la bête en question qui rôderait à l'intérieur de la forêt et rendrait compliquée la vie des gens aux alentours, notamment des bûcherons et des chasseurs-cueilleurs, n'est en réalité qu'une vaste mascarade. Vous remontez ensuite vous coucher, après avoir bu un peu d'eau fraîche. Et vous passez la nuit. Question. Est-ce que vu que la nuit fait gagner oui. de l'ego. Bien sûr, oui. Est-ce que je peux utiliser mes talents de pi pour aider Mokosh à récupérer de l'ego, okay, quitte à la limite que moi je récupère moins, parce qu'elle s'est pris 4 points de dégâts la dernière fois grâce à. Ouais, bien sûr. Du coup, même si moi, du coup, je sacrifie un peu ma nuit entre guillemets, permettre à Mokosh. Ça te retirera pas spécialement, je pense, de points d'ego. Je sais pas. Okay, mais en effet, ça pourrait avoir l'air intéressant. Je suis en train de voir s'il y a un jet qui pourrait être. Est-ce que tu es une bonne pie? Adapté, exactement. Genre, non, c'est pas de la séduction en soi. C'est. Bah non, elle est déjà séduite. Non, mais je vais simplement vous demander donc chacun de me l'en jeter un des 6. Et Abby et Mokosh, vous aurez chacune un bonus de 2. 2. 2. Ça fait 4 du coup pour. Et toi, Toric ? Moi j'ai tous mes points d'ego normalement donc. Je ah oui, en effet, donc oui, oui, c'est vrai que ça n'a pas d'incident. Toi, Toric, c'est vrai, bah oui, en plus, tu sors d'hôpital donc ton. Bah oui, moi je suis en morale sortie, et tranquille. Ouais. J'aurais dû te faire ouais. dormir dans un dortoir. Ensuite, Mokosh, j'allais te proposer de regagner des points supplémentaires puisque tu viens de prendre un bain, mais finalement, quoi qu'il arrive, ça te régénérera ton ego au maximum. C'est nickel. En parallèle, tes points de vie, enfin ton état s'améliore, et le fait de t'être lavé y aide, donc tu n'auras plus que 2 blessures superficielles sur les 8. C'est vrai qu'au réveil, tu remarques que tu commences à cicatriser. Il doit être aux alentours de 10h, 9-10h quand vous vous réveillez. C'est vrai que ça fait du bien de prendre le temps de dormir comme ça. Ça fait longtemps que vous l'aviez pas fait. Que faites-vous? Bah du coup, je dis les filles, vous voulez très petit temps de trouver notre petit Adalbert? Maintenant que nous sommes reposés, je suis tout à fait d'accord, mon cher Toric. Eh bien, soit, allons voir notre, le tenancier et puis lui demander s'il est rentré de hier soir. Ok. Vous redescendez au niveau de l'accueil. Bah, du coup, vous voyez le tenancier, il est là, en train de tenir des comptes et de compter quelques liasses de lettres de change qui ont été déposées sur le comptoir. Vous voyez d'ailleurs que derrière lui, il y a un fusil de chasse, un peu similaire aux autres qui est accroché au mur. Comme s'il allait pouvoir... Enfin, comme si ça pourrait le servir à se défendre en cas d'attaque ou si quelqu'un tenterait de s'emparer de son butin. Mmh. Comme nous. Bah du coup, je m'approche du tenancier et puis je lui souhaite bonjour. Hein, parce que forcément, c'est pas bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va très bien, et vous? Bah parfait, parfait. Vous avez bien dormi? Oui, c'était une nuit mais magique. Franchement, très sympa vos chambres. Très bien. Je prends le compliment. Et est-ce que vous auriez vu le juge Adalbert? Ah, votre ce ami matin? Oui. Alors non, mais... je sais pas si j'aurais voulu le dire, mais... Bien sûr, faut le dire. Allez-y, allez-y. Bon, bah... J'ai entendu des juges qui parleraient et... La rumeur dit qu'il serait allé voir sa maîtresse. Oh. Qui tient la forge tout au nord. Oh. Ah ah. au nord, vous dites? Mais c'est loin d'ici? Non, au nord de la ville, j'entends. Ah, d'accord, au nord, d'accord. Oh, oui, non, ça s'arrête dans la ville. Bah, allons lui rendre une petite visite. Bah, écoutez, allons lui rendre une petite visite. On lui dira pas que vous nous avez dit ça, hein, bien sûr, on sera ton. Je m'entends, hein. Ok, très bien. Je sais pas si vous le trouverez là-bas, je sais qu'elle se lève toujours tôt pour aller récupérer ses chargements dans une ville voisine, mais ça m'étonnerait qu'il l'accompagne. Oui, de toute façon, il est pas rentré cette nuit, vous l'avez pas vu. Non, on l'a pas vu. Donc, ouais, soit il est en chemin, soit il est encore là-bas. Ok. Par logique. Soit... C'est ça. On va y aller, alors. Ça va être sa fille qui va être contente. Eh bien, allons-y. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Vous ressortez. Et là, vous vous rendez compte quand même que la ville au juge que vous aviez découvert hier s'est presque transformée en ville fantôme. Les écuries sont complètement vides, plus un cheval. Vous avez quelques paysans ici et là qui marchent, puis les marchands qui remballent leurs étals. Visiblement, en fait, ils ont profité du congrès... pour essayer d'augmenter leurs chiffres, mais maintenant que c'est fini, les gens vont sans doute retourner dans quelques villages aux alentours. Et puis les autres vont mener leur vie quotidienne ici, dans la ville. Mais quoi qu'il en soit, plus un juge à l'horizon. Vous avez pas trop de mal à trouver la forge. Vous voyez, c'est pas une grande forge, mais en effet, des gens y entreposent de leur matériel et pour qu'il soit sapé. Avec ces histoires de tempêtes de sable, c'est vrai que ça peut être plus que nécessaire. Sinon, vous voyez, c'est une espèce de petite maison avec une terrasse. Qui fait sans doute aussi office de résidence. Bah du coup, on se dirige vers la forge. Enfin, on... C'est fermé, c'est ouvert, c'est... Les volets sont fermés. Donc et la forge, enfin l'endroit est fermé en fait. Pour l'instant, comme si la forge n'était pas ouverte. Il est quelle heure à peu près? Là, il doit être aux alentours de 10h, 10h30. Le temps que vous descendiez. Préparez-vous quand même à... Bien sûr, mais moi c'est ce que j'attends. Bah, du coup, je me propose de faire le tour, de passer peut-être par la. T'avais dit qu'il y avait une terrasse ou quoi. Oui, c'est ça. Passer par la terrasse, voir s'il y avait pas quelqu'un à ce niveau-là. Ok, tu veux voir s'il y a quelqu'un au niveau de la terrasse? Bah oui, vu que la forge est fermée, donc on va éviter de rentrer par effraction pour commencer. Très bien. Quand tu t'approches de la terrasse, tu ne vois personne, mais puisque les volets sont fermés, tu peux essayer de les ouvrir de l'extérieur. En soi, c'est pas spécialement impossible. Bah écoute, ouais, je vais légèrement entrouvrir les volets pour voir à l'intérieur. Ok. Fais-moi un petit test d'agilité pour voir. Donc okay. D'agilité, dextérité. Alors, j'ai un succès. Bon, t'y arrives. En prenant un bâton qui était à disposition, t'arrives à passer sous le mécanisme. Hein. C'est pas des volets récents, ça se voit. D'accord. Il y a un pas plus que ça. Tu soulèves le loquet, puis t'arrives à entre-ouvrir les fenêtres. À ce moment-là, t'as un rayon de lumière qui traverse la pièce devant toi. Et tu distingues un lit qui est vide. Ok. Mais dans ce cas-là, on va dire que pour la jouer normale, je sais pas ce que font les filles, mais moi je me dirige vers la porte d'entrée de la forge et je vais taper à la porte comme si je voulais voir s'il y avait quelqu'un en fait. Ok, très bien. Vous deux, qu'est-ce que vous faites également pendant ce temps-là? Tu fais quelque chose en particulier aussi? Non. Je crois pas, monsieur. Enfin, genre. Moi, pour l'instant, j'étais pas le plus chaud pour lui parler. Mais vu qu'on va lui parler, bah, je laisse Toric faire le social. Parce que bah, c'est clairement pas Mokosh qui va le faire. Et moi, je suis pas chaud. Du coup, bah, moi, je suis plutôt en mode. Je regarde comment ça se passe. Si ça se passe mal, là, par contre, j'interviendrai vraiment. Mais du coup, je laisse faire. Donc vous restez sur le côté, juste derrière Toric ou... Ouais, mais on reste derrière quand même. Ouais, on follow Toric. Parce que c'est un juge quand même. Ouais. Il a un super marteau. C'est une sale race, ces gens-là. C'est vrai que... Ouais, enfin bon, là, il s'attend pas à ce qu'il soit s'attaquer. C'est une sale race, c'est une sale race. Ouais, mais justement, il s'attend pas. On sait pas s'il va nous laisser parler. Oui, mais bon, je veux dire, dans le Parce que je vous rappelle qu'ils nous ont envoyé des mercenaires sur la gueule. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, la première chose, là, dans ce village, si quelqu'un venait à frapper à la porte, ce serait pas d'arriver avec son marteau derrière et le défoncer, genre, il ouvrirait la porte normalement. Qu'importe, enfin, genre, on va quand même te suivre, enfin, genre, c'est juste que, genre, c'est une salade, genre, tu sais, il a mis notre tête à prix, hein, donc, il va nous reconnaître, hein. Ouais, bon, après, peut-être que lui, il est pas capable de le faire, hein. Si. On nous a dit que c'était un bas level de juge. Genre, en limite, c'est pas le juge. C'est un avocat, c'est pas un bas level. C'est vrai que pour un juge de cet âge-là, c'est pas une carrière incroyable qu'il a eue. Voilà, et donc ça, c'est pas... Ça reste une sous-race, hein. Je suis désolé, mais... Bon, écoute, laisse-moi faire, on verra bien ce qu'il en résulte. C'est ce qui est prévu, on te laisse faire. Nous, on dit bon, juste... Bon, bah du coup, je frappe à la porte, poum-poum, okay. Et je dis, y'a quelqu'un? Tu frappes à la porte. La question est donc, arrivera-t-il armé ou désarmé, sera-t-il dangereux ou pas? C'est pas l'ouverture de la porte. Bah, je m'attends pas à ce qu'il soit armé, honnêtement. C'est que lorsque la porte s'ouvre, Toric, tu aperçois Adalbert, torse nu, en peignoir, le corps encore luisant, cheveux blancs plaqués en haut de Attention son crâne. Attention les filles. Pervers en lui. Tu vois à son regard qu'il est pas encore bien réveillé. Hein. Il a ouais, réveillé ouais. Il y a quelques minutes à peine. Bah, il s'attend pas à nous voir nous, donc je pense que le temps qu'il réalise que c'est nous, bon, on a clairement l'avantage d'engager la conversation. En effet, tu vois que pendant quelques secondes, il te regarde et puis il te fait « On se connaît ?» Bah, oui. Je dis « Oui, on se connaît, oui, tout à fait. Bah, » Attendez. Si, on vous avez envoyé des gens nous tuer. C'est vous? Non, j'avais engagé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, on est venu, alors vous inquiétez pas, on n'est pas venu se venger ou quoi que ce soit. On est vraiment venu pour parler avec vous, pour savoir pourquoi vous avez fait ça et essayer de régler le problème de façon plus diplomate. À quoi? Mais j'ai fait ça pour retrouver ma fille. Eh bien, vous l'avez retrouvée, votre fille. Mais non, mais tu vois bien qu'il... Vous. Mais tu vois bien qu'il comprend pas de quoi tu parles. Dis-lui complètement, parce que là, il croit qu'il parle de la mission. Hein? Mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a... Attendez, laissez-moi 5 minutes, je m'habille. Tu vois qu'il tourne le dos et puis qu'il se dirige en direction de sa chambre. Toric, faut réagir des fois. Faut pas laisser les gens dans leur délire après. C'est... Mais non, mais écoute, moi, je me dis simplement d'essayer de rafraîchir les idées. Et de dire si, pourquoi il nous a envoyé des gens s'occuper de nous qu'on a fait le boulot. Dis-lui directement pourquoi ils ont envoyé des gens essayer de nous tuer. Parce que là, il est totalement paumé. Je crois qu'il devient sénile. Hein. Tu sais, les gens, ça joue, ils devraient mourir. Que c'est ce que je lui ai demandé. Pourquoi il a envoyé des gens Je crois qu'il est innocent en vrai. Mais innocent ou pas, je lui pète la gueule. Non, mais c'est une possibilité. Mais soit il devient sénile, parce que de toute façon, vous avez bien vu, hein, il est au-dessus de la trentaine. Ça devrait mourir, ces gens-là. Soit. Du coup, moi, honnêtement, maintenant qu'il est rentré, je vais légèrement me reculer de la porte. Je vais dire aux filles de. Alors, je vais légèrement me reculer de la porte, si tu veux. Pour. Au cas où il arriverait en mode. Voilà. Et être un peu sur mes gardes, on sait jamais. Ok, d'accord. Ouais. Mais oui, moi aussi j'ai la main quand même sur la manche, sur le manche de mon arme. Ok. Vous êtes là, planté devant la forge, la porte ouverte. Vous avez quelques passants dans la rue qui vous dévisagent. Et puis vous entendez l'hôte qui se prépare de l'autre côté. Et puis il revient quelques secondes plus tard, complètement habillé cette fois-ci, en avocat, en belle tenue d'avocat. Bon, écoutez, rentrez. Bah, je rentre. Restez pas planté là. Il ferme la porte derrière vous. Qu'est-ce que vous foutez ici? Écoutez, vous avez mis un contrat sur nos têtes. On aimerait savoir pourquoi vous avez fait cela. Ok, je crois que je vois de quoi vous parlez. Non mais les gars, c'est bon, c'est rien. Bah, écoutez, c'est rien. On va pas faire un plat. Vous direz ça aux 4 ou enfin, il y avait 4, oui. Aux 4 personnes qui ont essayé de nous tuer il y a pas si longtemps. Et qui sont pas demandé de vous tuer. Oh, putain, je leur ai juste demandé de lui faire comprendre sa connerie. De lui faire comprendre ou de nous faire comprendre? Parce que c'est nous qu'on a été visés. Attendez. Non, je leur ai demandé de casser la gueule à la pie pour me venger. Oui, mais nous. Et je suis et nous, pie. Alors non, mais pas vous, l'autre. Un oui, jeune. Mais alors qu'est-ce qui explique que nous avons eu des contrats sur nos têtes? Nous avons vu le contrat, nous les avons vus. Oh non mais, attendez. Les contrats sur vos têtes? Oui, sur nos têtes. Je suis désolé les gars, vous devez vous tromper. J'ai rien à voir là-dedans. J'ai juste demandé à des collègues juges d'aller casser la gueule à l'API. Oui, ça oui, on sait qu'il se fait casser la gueule, mais... Ça, Ouzef, mais le truc, c'est qu'on nous a dit. Dans ce cas-là, il y a un problème. J'ai une carrière d'avocat devant moi, on me la fait pas, ok? Quand ma fille elle est revenue, je lui ai posé des questions et elle a craqué. Je sais ce que vous avez magouillé avec l'API. Ça m'a énervé, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes rien. Comme toi. Donc vous êtes en train de nous dire que vous n'avez rien, vous n'avez mis aucun contrat sur nos têtes? Mais vous êtes des petits magouilleurs, des petits voyous. Qu'est-ce que vous voulez, j'en ai à foutre de vous. Alors dans ce cas-là, qui l'a fait? Mais j'en sais rien, moi. Quelqu'un l'a fait, dans ce cas-là. Mais c'est votre problème, c'est pas le mien. Attendez. Attends, alors, juste... en dehors de... Enfin, HRP, le gars, le juge qui nous avait demandé d'aller... Enfin, qui nous avait suggéré d'aller le voir, il nous a bien dit que c'était lui. Ouais, il me semble bien que c'est l'info qu'on nous a donnée et c'est ce qui nous a motivé principalement à y aller. Hein, parce que la pille, on s'en battait les couilles. Et que c'était le juge, l'autre juge qui nous l'avait... Non, le commissaire qui nous l'avait dit. C'était le commissaire qui nous l'avait dit. Ouais. Oui. Donc il y a des problèmes d'info. Alors on peut pas lui dire que c'est le commissaire. Mais... Bah si, on peut clairement lui dire, parce que dans ce cas, s'il a visé, c'est peut-être que lui voulait qu'on défonce la gueule à lui, tu vois, genre ça peut... Il y a des intrigues poétiques dans la vie. Écoute... Moi je pense que le mieux c'est lui dire, hein. Comme ça on voit sa réaction et... Dis-lui. Écoutez... on est un peu troublé parce que les informations qu'on a eues viennent du commissaire. Alors je sais plus son nom. Excusez-moi. Scroll. Hein? J'ai pas son nom non plus. Bonne chance. Aidez-nous. Attends, j'essaye de remonter, mais c'est où? Le commissaire. Jambon. Jambon. Bon, essaye. Non, en vrai, je... Quoi, le commissaire Jambon? Cette espèce de petit enculé. C'est lui qui m'a volé mon poste. Non. Oh, putain. Bon, alors, je suis remonté jusqu'en haut et j'ai vu qu'un moment son nom marqué. C'est-à-dire qu'il était pas important. Non, c'est... Pour vous aider, c'est le commissaire Prayel. Alors, le commissaire Prayel... Écoutez, disons que le commissaire Prayel nous a donné l'info comme quoi c'était vous qui avez mis ces avis de cet état pris sur nous. Il nous a même montré via un chroniqueur les fameuses mises à prix en fait. Ok, alors les gars, ça doit être un affreux malentendu. Ouais, vas-y, développe. Mais explicitez, voyons. Mais disons que pour un malentendu, il y a 4 personnes qui sont mortes. Ouais. C'est quand même dommage. Il pourrait en avoir 5. Ouais. Les gars, je suis juge. Oui. Quand j'ai des problèmes avec les gens, je fais marcher la loi, c'est mon boulot. Il n'y a que les voyous et les voleurs pour mettre la tête des gens à prix. Alors comment expliquez-vous que le commissaire... Via un chroniqueur à ses mises à prix, enfin vous avez compris, avec nos noms venant de vous. Alors, ça veut dire qu'ils ont menti. De moi, mais j'ai. Écoutez, non, mais j'ai jamais demandé à ce qu'il vous arrive quoi que ce soit et j'aurais pas été assez stupide pour mettre mon nom sur un putain de demande de mise à mort. Enfin, vous imaginez un peu? Vous délirez! Bah, t'as pas vraiment de réputation à ternir. Hein. Ouais, clairement, t'es clairement un inconnu parmi les juges, mais... Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant, on est clairement dans... On est clairement dans une impasse. Mais même Gosset ne respecte pas. Non, mais on est dans une impasse. Comprenez, je veux dire, c'est soit vous mentez, soit le commissaire préalablement. Qui doit-on croire? Honnêtement. Sachant que le commissaire a l'air beaucoup plus sympa et avoir une meilleure carrière que vous, hein, mais... Donc vous seriez prêt à dire que le commissaire ment? J'ai pas dit qu'il mentait, mais là, les gars, il y a un problème. Et déjà, sachez que commissaire, c'est peut-être mieux payé, mais même si je pouvais, je le ferais pas. Beaucoup trop d'emmerde. Il a la rage. Hein Alors, seriez-vous prêt à venir vous confronter avec le commissaire? Bah bien sûr. Pour qu'on ait le fin mot de l'histoire. Ouais. Ça c'est intéressant par contre, c'est-à-dire qu'il le considère pas comme un rival. Ça c'est intéressant. Écoutez, je vous propose, de toute façon, faut bien qu'on retourne à la justicienne et que vous peut-être vous repassiez par la justicienne. Qu'on aille ensemble voir le commissaire et qu'on confronte vos avis et savoir ce qu'il en est, le vrai du faux. Écoutez, j'avais prévu de passer quelques jours ici. Ça vous dérange si on part dans la semaine? Ah, donc vous avez peur parce que vous avez juste un avocat. Quoi? Mais non, c'est juste que j'avais prévu de prendre quelques jours de repos. Oui, avec votre maîtresse. Qui vous a dit ça? Des gens. Vous savez, les gens... T'es à poil chez elle. Vous savez, je suis pie, les gens me disent tout, en fait. Hein. Désolé, hein. Je suis peut-être personne, mais je sais plus que vous. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la vie de 4 personnes ne vaut pas le fait de quelques jours de repos? Et c'était qui ces 4 personnes qui vous ont agressé? Ce sont des gens qui... Des mercenaires qui travaillaient pour avoir de l'argent en retour, mais qui ne l'ont jamais. Vous avez tué 4 voyous, bah bravo à vous. Si oui, vous avez mais... vu de propres yeux, je vous aurais récompensé. Oui, c'est sûr, mais on sait pas combien y a de voyous qui vont essayer de nous tuer par rapport à ça, tant qu'on ne clarifie pas la situation. Écoutez, ça on s'en fout, mais... J'ai déjà vu des histoires de mise à prix, d'accord, de tête mise à prix. Généralement, c'est simple. Oui. La rançon se fait par un intermédiaire. Il suffit de trouver l'intermédiaire et de liquider le réseau. Vous n'avez pas pensé à ça? Bon, c'est sûr que c'est généralement des trucs bien gardés et c'est pas facilement faisable ce que je vous dis. Mais si jamais vous vous infiltrez dedans et puis que vous contactez les juges, peut-être réussir à démanteler. En même temps, je pense que dans un premier temps, ce qui serait bien, c'est qu'on aille voir le commissaire ensemble. Ouais. En vrai, il y a quand même c'est quand même super étrange. Vous posez pas la question de pourquoi votre nom a fini là-dessus. Genre pour vous, ça a l'air d'être complètement normal. Sinon, si vous voulez, on peut faire venir le commissaire ici. Et votre fille, pour qu'elle voie votre maîtresse. C'est comme vous voulez. Non mais moi aussi, j'aimerais bien voir votre maîtresse. Ma maîtresse. Et croyez-en que le fait qu'il y ait mon nom là-dessus en effet m'interpelle. Mais d'abord, j'aimerais éviter que vous me cassiez la gueule sous prétexte que je vous ai mis condamné à mort. Non, mais on veut pas vous casser la gueule pour l'instant. On veut juste savoir de clarifier la situation. La meilleure mais des choses serait de venir avec nom, nous. Vous êtes sûr que vous faites pas juste l'amalgame avec le fait que j'ai fait tabasser Angel, sans doute dans la même Écoutez, période que c'est pas nous qui avons vu votre nom. C'est le commissaire qui nous a donné votre nom. Ouais. Donc c'est pour ça que le mieux serait de venir avec nous voir le commissaire. Et là, peut-être que vous avez une mauvaise relation avec lui et que du coup il vous aime pas ou un truc du genre. Je le connais même pas, ce commissaire. Et c'est ça qui est étrange du coup. Ni de près ni de loin, les gars. Moi... Bon, écoutez, allons-y, prenez vos affaires, on va à la justicienne et on clarifie ça. Et après, vous pourrez revenir voir votre damoiselle et rester tranquillement avec elle. Il n'y a qu'une demi-journée de marche à voir. En même temps, elle ira nulle part, hein, c'est sa maison. Voilà. C'est vrai qu'elle a forte chance quand même. Et c'est pas comme vous aviez plein de choses à faire. Je vais lui laisser un mot. D'accord. Laissez-moi 5 minutes. Ok. Je veux lire ce mot. Appelle les renforts. et du coup, si Porsche, je sais pas, chercher un truc ou quoi, peut-être qu'on peut... parler un peu ensemble parce que c'est difficile de parler alors qu'il y a le mec. Ils s'enferment dans la chambre et en effet vous pouvez parler pendant ce temps. Oui. Eh ben c'est chelou cette histoire. Parce qu'en vrai. Quand je dis ils s'enferment dans la chambre. Oui, il va dans la chambre. La porte est entrouverte. Voilà, Oui, voilà, il se barricade. Il a pas verrouillé. Ouais. Moi je crois. Ouais. Non. Ouais, ouais. Après, je dois vous avouer que le temps est passé. Est-ce que genre le juge je l'avais vraiment nommé ou est-ce que c'était une supposition? Ça, je suis incapable de m'en souvenir. Mais c'est lui, il fait juste le sénile pour pas qu'on lui casse la gueule. Parce que de toute façon, j'ai envie de dire à la limite, on lui casse la gueule quoi qu'il arrive. Mais... De mon souvenir, le chroniqueur nous avait bien problème, montré que... les papiers. Après. Et mais... que clairement c'était non oui qu'on était recherché oui d'ailleurs de souvenir tu vois les dessins étaient pas ouf mais cependant ce que je veux dire c'est que genre pas tu vois c'est un peu chou enfin genre c'est dire c'est probable parce que ce soit que lui mais genre qui nous a envoyé là vous déjà parce que moi je voulais pas y aller on est pas venu là par hasard je veux dire si on est venu là c'est que le commissaire nous y a envoyé. Et puis surtout, il avait des bonnes infos parce qu'il savait qu'il allait rester là quelques jours, donc... Il nous aurait pas envoyé là par hasard ou mais sur une supposition... Ça prouve le commissaire, il a un truc avec la pie, il a juste voulu la venger, tu vois. C'est pour ça que le mieux serait de confronter le juge avec le commissaire. Ouais, mais le commissaire, on l'aime bien, donc faut pas qu'on le mette dans la barre. Et alors, ça fera quoi? Ça nous changera... Enfin, c'est pas si demain, tu apprends que le commissaire avait des comptes à régler, est-ce que ça va changer ton avis sur le commissaire? Non, j'avoue, je m'en bats les couilles, en fait. fait. Bon bah voilà, donc on s'en fout. Mais au moins on aura, ouais, on aura des explications. C'est même étrange que ce soit toi qui dis ça, mais t'as raison. Oui, qui est passé en mode balle couille, c'est. Non, je dis pas, je pense pour toi. Je pense. Ouais, non, pour toi. En fait, oui, c'est vrai que en fait, je m'en battrais les couilles, ça serait juste une vengeance. Quoi. Bon, après, il aurait pu nous le dire, ça aurait été plus sympa. Non, mais si après on peut s'éviter des combats inutiles, des morts inutiles. Bon, après, si on peut tuer ce. Il faut pas parler trop fort. Non, après, mais bon, ça nous avancerait à rien, et mais bon. Mais ouais, tu es si le commissaire, peut, ouais. Si on peut s'éviter d'avoir des mercenaires, oui, sur vrai. Le doigt au bout de champ, c'est pas plus mal. Mais non, après, le problème, c'est que genre, si jamais c'est pas lui, il faut trouver vraiment qui nos amis a pris. Bah, même parce qu'on s'est fâché avec personne d'autre, je crois. Bah, si c'est pas lui, c'est sûrement monsieur, je me tape à billes et après, j'assume pas. À cale supérieure de Tori. Ou alors. Pourquoi il remettrait ça normalement Ou alors, ce serait sa fille qui a fait ça sous son nom. Pour se venger. Ah, ça, de ça, nous. Ça serait vachement bien, je serais fier d'elle. Elle aurait pu signer en son nom et elle aurait eu mauvaise parce qu'on a. On a ruiné son truc, je sais pas, j'en sais rien. Ah, là, bah oui, c'est son père qui est un connard de séquestreur, c'est pas pareil. Bon. Mais ça pourrait expliquer pourquoi. Et il pourrait arranger la situation derrière. Si c'est le cas, on la félicitera et on lui arrachera les dents. Je te laisserai faire. Moi, je suis pas très important. Enfin, on verra. De toute façon, allons confronter. On verra ce qui en sortira. Exactement. Et au pire, Mokosh, je compte sur ta clémence. Oui. À ce moment-là, l'avocat. Au moment où je dis clémence. De la porte avec un petit mot. Et je le fais lire, mon coach. Et d'ailleurs, je vais te demander un jet d'intelligence. D'intelligence. Est-ce que tu sais lire ? Je suis sûr de savoir lire. Et mais qu'est-ce que c'est de deux. Alors, deux d'intelligence. Concentration. Oh. Concentration. J'ai pas de concentration. Ça n'existe pas, chien. Ah oui, mince, oui. Autant pour moi, tu es en. Oui. Merde, du coup, c'est pas concentration, toi, tu es en. Alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait remplacer ça? On va dire science à la limite. C'est ce qui sert au langage dans des domaines. J'ai une réussite. Fuck. Bon. Si tu sais pas, donne-moi la lettre. Hein. Tu arrives à la comprendre. Elle ne cite pas de nom, elle permet. Elle explique juste un truc en mode je vais devoir m'absenter quelques jours pour affaires, je reviendrai dès que possible. C'est juste tout ça, ça va, ça a pas l'air d'avoir de message caché. Très bien. Il n'y a pas bisous, rien. Non, mais non, c'est sa maîtresse. Non, mais il n'y a pas de où est-ce qu'il va, il y a choix genre d'informations. Oui, il n'y a pas de message d'alerte. Je suis accompagné actuellement d'un hospitalier, d'une pile. Non, en effet, il n'y a rien. Ça, c'est les initiales de chaque phrase. S-O-S. Moi, je regarde au dos. Tiens, un truc. Fais-moi un jet également de. Alors, pourquoi pas, du coup, plutôt cette fois-ci d'instinct. Ouais. Je saurais pas trop exactement quoi dire. Psyché russe dans ce cas-là, plutôt. Allez. Oh, ça tombe bien, j'ai encore plus de dés. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as beaucoup de dés, ouais. 3. toi, tu cherches clairement un message codé. C'est ça, moi, je suis en mode. Il va essayer de nous mettre une douille si c'est lui, donc. Alors, attends, 1, 2, 3, 4, pour jeu. Russe, c'est. Kuning, c'est ça ? Kuning, oui. Oui, Kuning. Donc, du coup, je vais lancer 6D. Bien. Oui, je sais. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Bon, alors, s'il y a une russe, tu sais. Alors. Le papier, tu le regardes vraiment sur tous les détails. T'essaies d'appliquer toutes les ruses en effet que tu puisses connaître tous les trucs dont t'as entendu parler. Le mettre à venir du soleil pour voir un texte. Exactement. T'aspires du jus de citron pour avoir pas de langue invisible. Tu demandes du citron. une bougie et tout. Exactement. Tu passes à la bougie, tu remets le feuille par-dessus, tu grattes avec ton crayon pour voir s'il n'y a pas... un message qui était à appuyer sans la mine. Tu passes ça au scanner et tu ne vois absolument rien. Le message est tout ce qu'il y a de plus banal. Ok. En fait, coup, l'avocat, il te regarde en mode « Oh là là, mais ils ont un grain, eux. » C'est bon ? Vous avez fini ? Ouais, ouais. Bon, en même temps, c'est des sales races, faut surveiller, quoi. On y va. Vous voyez, lui, il a juste pris un sac avec lui, dans lequel il y a quelques affaires, son marteau et son chapeau. Alors, question, est-ce que lui a un cheval ? Justement, j'allais vous demander, vos chevaux sont dans quelle écurie ? Eh bien, on va faire ça à pied. Ou alors, vous nous prêtez des chevaux. Tu vois qu'il s'arrête quelques instants à pied. Ou alors, vous nous prêtez des chevaux. Mais attendez, j'ai qu'un seul cheval, en fait. Bah, je sais pas, t'es pas quelqu'un d'important, déjà. T'as pas moyen de négocier un peu avec des amis. En moins que t'en aies pas. Attendez, mais... On les rend, hein, au retour. Au pire, on peut mettre... on a besoin que de deux chevaux. On monte à deux dessus. Oui, tout à fait. Ça, hein, peut le faire. Ouais, pas à part. Merde. À pied ? Ah non, c'est bon, suivez-moi. On va vous trouver des chevaux. Vous voyez, vous le suivez un peu dans la ville. Après quelques rues, vous arrivez au niveau d'une écurie. Il parle quelques instants au patron et puis il lui laisse une caution d'une valeur de peut-être 600, 800 lettres de change, vous savez pas trop, mais vraiment une grosse somme. C'est trop bien, on le fait chier à chaque fois. Et puis il revient quelques instants d'après avec deux chevaux. Nickel. Je monte avec Mokosh. Je monte tout seul. Écoutez, j'ai mis tout ce que j'avais, hein, donc je compte sur vous pour me payer... à manger, à boire et me loger durant tout le temps du trajet. Et je préviens, je dors pas dans les dortoirs. J'ai déjà eu des puces de lit. Ouais. Allez, on y va. Plus vite on sera arrivé, mieux c'est pour tout le monde. Vous avez de quoi manger au moins ? Bah, bien sûr. Mais oui, on a ce qu'il faut. Ok, très bien. Allez, on file. Ok, on y va. C'est ça, vous repartez avec donc vos chevaux d'air. Comment est-ce que vous dispatchez sur les chevaux ? Les deux, il y en a un qui est plutôt grand, brun avec une crinière marronâtre, et l'autre qui de son côté est gris. Attends, bouge pas. Et légèrement plus petit. Les deux sont scellés. De ce que j'ai compris, Abby voulait monter avec Mokosh, donc je leur laisse le grand cheval, celui qui est le plus costaud, et ouais. Moi je prendrai le petit. Ok, nous sommes. Moi je veux le grand cheval brun à crinière noire. Ok. Je lui ferai des papouilles pendant tout le trajet. Oui, vous avez déjà utilisé des chevaux, même si c'est vrai que c'est pas vraiment à votre habitude. Enfin, c'est assez rare, mine de rien, d'en utiliser. Vous arrivez quand même sans trop de mal à sortir de la ville. C'est d'ailleurs juste au moment de sortir où vous croisez le patron du motel. Qui vous fait coucou, l'air ravi, qui vous lancera juste un... Alors, cette surprise ? Il adore ! Ah, c'est pour une surprise, c'était une surprise, hein. Il y a Dalbert qui comprend absolument pas ce qui est en train de se passer. Je mets un petit pouce vers l'avant et on continue le chemin, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Très bien. Faites-moi chacun un jet de survie. Et vous êtes mort, tant pis. D'instinct dressage. Oula, mais attends. Abby et Mokosh, l'une d'entre vous, donc va vraiment, on va dire, piloter entre guillemets le cheval. L'autre n'ajoutera que ses déclencheurs à la seconde. Dites-moi laquelle d'avance. Je peux conduire, je pense. Je sais pas. Je pense. Très bien, donc tu chevauches le cheval et Mokosh reste à l'arrière. Donc même si elle peut éventuellement t'aider à l'apaiser ou. Simplement à donner quelques conseils, ce sera seulement ces déclencheurs qui vont s'ajouter au tir. Moi, je vais pas avoir grand chose à faire. Là, je suis content. Ah, un succès. Sur 2D, hein, j'ai fait un succès. Voilà, c'est très bien. Ok, lui, il va finir dans le sable alors qu'il n'y a pas de tempête. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas ? Ah. T'as bugué ? Ah, je vois qu'on lit pas mes messages. Je me suis absenté. Ah merde, en gros on est... On est monté à cheval. Ouais, on est à cheval. Et tu es avec Abby. En gros je conduis, et tu vas lancer un jet d'instinct dressage, et tes déclencheurs se rajouteront à ma réussite, qui est de 3 réussites, dont 2 déclencheurs, ce qui est pas mal. Ok, instinct timing, si tu veux, si tu n'as pas la traduction. Ah oui, en effet, c'est la traduction à prévoir. Deux réussites, et ces deux réussites sont deux déclencheurs. Oui. Yes. Qui s'ajouteront donc à Abyss. Toi, Abyss, vas-y. Moi, du coup, j'avais fait, comme je vous l'ai dit, trois réussites, deux déclencheurs. Donc, en tout, ça fait trois réussites. Très bien, hein, très joli. Ouais. En fait, ce cheval. Je vous conseille parce que moi, j'ai fait qu'un succès. Tire sur les rênes. Vous commencez à repartir sur la route qui est beaucoup plus dégagée que celle que vous aviez pratiquée à l'aller, puisque vous êtes encore à proximité de la ville. Et globalement, imaginez le cheval d'Adalbert qui commence à filer, pas au galop, mais quand même à une bonne vitesse. Un trot, avec ouais. La poussière qui s'élève à chacun de ses pas, suivi de près par toi, Abby et Mokosh. Pareil, c'est vrai que mine de rien, vous avez une certaine élégance à utiliser ce cheval. Et Toric, qui lui de son côté n'arrive pas à l'orienter correctement et qui se contente de faire des zigzags au niveau de la route, qui finit dans des dunes. J'ai un peu de mal, mais il avance quand même, c'est déjà ça. Mais il avance, c'est déjà ça. Au moins, en effet, il ne se cabre pas, tu ne finis pas dans le sable. Ouais, ouais, ça aurait été pénible ça quand même. Ton voyage est juste plus laborieux que celui des autres, ce qui vous ralentira d'ailleurs légèrement. Salaud! Toutefois, vous remarquez quand même que c'est beaucoup plus aisé, beaucoup plus rapide de se déplacer à cheval. En dehors du fait que le cheval est plus rapide que vous, ça ne vous fait pas. Il y arrive quand même à certains moments où vous devez vous poser pour simplement leur donner à boire. Bien sûr. Et faire quelques pas de marche. Arrive également le moment où vous devez manger. Comment est-ce que vous répartissez Alors... moi, ce que je propose, c'est qu'on mange. Toric et Mokosh mangent deux rations rouges et que moi et le juge mangent une ration d'insectes. Ok, très bien. Il vous restera donc une ration d'insectes. Bon, vu que personne dit rien, je pense qu'ils sont d'accord. Ouais. Oui, ça va. Bah, je pense que c'est toujours vos insectes caramélisés. Oui, mais ça, on les garde, c'est nos friandises. C'est ça, c'est vos petites friandises pour fêter vos victoires. Yeah. Et vous remontez le moral. Et heureusement qu'on retourne à la justicienne, là. Oui. Vous filez comme ça à travers le désert poussière rouge pour passer sur les lieux de la tempête d'hier, beaucoup plus rapidement qu'à l'aller. Et au bout d'un moment, la forteresse d'Arnsberg, que vous aviez déjà justement également croisée, se dessine au loin. En la contournant, vous vous rendez donc sur le chemin principal qui vous ramènera à Justicienne. Vous croisez d'ailleurs quelques autres juges sur le passage. Puis les grands murs de la ville de fer s'ouvrent devant vous. Vous êtes contrôlé à l'entrée par des hospitaliers qui sont de garde. Et vous pouvez vous diriger en direction de la ville. Enfin, à l'intérieur de la ville. Ouais. Le voyage s'est fait vraiment sans aucune encombre. Simplement, voilà. Ok, ok. Une fois arrivé sur place, que faites-vous? Comment souhaitez-vous contacter le commissaire? Ouais, mais le Jameton, il voulait pas se barrer, cet enculé, et puis... Sinon, on aurait pu passer par lui, vu que c'était notre pote, mais... pas Jameta, je ne connaissais pas. Comment il s'appelle? Attends, c'était quoi? C'était Ada. Ouais, c'était un Libyen. C'était pas un Jameta, c'était un truc... Des... Néo Libyen. Ouais, c'est ça, merci. Néo Libyen. Ou d'Afrique. Du coup, où est-ce qu'on serait susceptible de rencontrer le commissaire? Le commissaire Braille, vous savez que vous pouvez le retrouver éventuellement. En tout cas, retrouver sa trace... à la brigade, qui est donc justement là où ont lieu les arènes. Ok, bah on va. On va y aller, hein. Puis on verra bien si on. Vous y rendez en compagnie du de l'avocat d'Albert. D'ailleurs, avec Adalbert, vous avez eu le temps de discuter un petit peu avec lui durant tout ce trajet. Il vous a répété maintes fois qu'il n'avait rien à voir avec tout ce qui s'est passé, que lui, il s'est juste contenté d'un petit peu se venger et de demander à ses collègues d'aller refaire son portrait. À Angel. À la Pi, ouais. Ça. Et au moment où vous commencez à arriver dans les quartiers notamment celui où se trouve la brigade, vous le sentez un peu mal à l'aise. Non mais attendez, vous... Oh putain, vous voulez vraiment qu'on me reconnaisse ici? Oh, c'est vos problèmes. Hein. Non, mais vous savez, j'ai une réputation à tenir. Vous voulez non, mais qu'on règle ce problème ou pas? Non mais c'est bon, de toute façon personne ne va vous reconnaître, vous êtes personne, c'est bon, c'est pas chier. Eh oh, calmez-vous, j'ai mangé avec le chef de l'hôpital en tête à tête, il y a de cela quelques mois à peine. Ah, tu te le tapes aussi. Écoutez, on est là pour régler un souci, on va y aller, et une fois que ce sera terminé, vous partirez et ce sera terminé, voilà. J'aurais dû me raser pour pas qu'on me reconnaisse. Tu te raseras après. Pas, mettez une capuche si vous en avez une, si vous avez peur qu'on vous reconnaisse. Oh, on s'en fout. Venez, on avance, là. Il m'énerve, lui. Tiens, je lui balance mon manteau. T'es trop gentil, toi. Ouais. Et les chevaux, vous y avez pensé aux chevaux? On va pas les laisser en plein. Vous y pensez pas, j'espère. Écoutez, on va voir un commissaire. Non, on peut lui déposer. Voleur ici. Croyez que la caution que j'ai payée, c'est que dalle, comparé au prix des chevaux et la dette que je me prendrais si jamais on nous les volait. Mais personne ne touchera à vos chevaux. Si vous voulez, on peut aller déposer à l'épave, j'ai des très bons amis là-bas. À l'épave? Bien sûr. J'ai quoi, mais... Oh, quoi, y a un problème? C'est pas croyable. Ok, est-ce que vous voulez... Non, voilà. Écoutez, personne ne touchera à vos chevaux, ok? Écoutez... Il y a des écuries dans la ville, ça vous dit, on y va? C'est un budget, mais au moins ils les nourriront et puis ils prendront soin d'eux. Ouais, c'est ton budget. Ouais, t'as qu'à le payer. J'ai plus d'argent, les gars, je vous ai. Et dans ce cas-là, on laisse là. Écoute, tu nous as déjà coûté une ration, hein, j'ai envie de dire. Écoute, si tu veux, pour arranger ration, le truc, une ration pour sec éviter et... que. J'ai jamais mangé de viande. Si tu veux, pour arranger le truc, je veux faire l'effort. Faire l'effort que de rester avec les chevaux en attendant que mes amis aillent chercher le commissaire. Et après, on verra avec lui. Voilà, bah on va faire ça. Ça te va? Okay. Ça me va. Bon, bah on fait ça. Allez. Vous voyez, vous vous posez à l'extérieur de la brigade. Toi, Toric, tu gardes les chevaux pendant que vous autres, vous rentrez à l'intérieur. On vous laisse rentrer sans aucun souci. Et puis, vous commencez à reconnaître quelques têtes. Vous entendez l'animation ambiante. Un nouveau combat, d'ailleurs, sur le ring. Des combattants que vous ne connaissez pas, qui sont en train de s'affronter à main nue. De l'autre côté, vous avez les gens qui sont en train de commander à boire et à manger au bar. Qui s'assoient sur les bancs et qui discutent. Parmi toute cette foule et toute cette agitation, on va déterminer à l'aide d'un jet de perception les personnes que vous allez pouvoir reconnaître. Ouais. Sachant que moi, en fait, je cherche pas que le... Oui. Tu vois, je me dis si jamais il y a l'API ou quoi qui passerait par là, ça reste toujours des bons contacts. Du coup, c'est perception, c'est ça? C'est ça. Alors, perception... Who are you? Là. 4D, ok. Wow. Je m'améliore. 4 hein. Réussites, dont un déclencheur. Mokoche. Oh, c'est vrai qu'il fallait faire un jeu. J'avais oublié ce que je regardais aussi, désolé. C'était Perception. Perception. Instinct perception. Ok. Ouais, ben non. Ok. J'ai une réussite. Ok, Abby, tu es la seule personne à reconnaître quelqu'un dans cette foule. Tu aperçois en effet l'Happy Angel qui regarde seul le spectacle, assis sur son banc. Ok, bah, je vais aller le voir. Tu sens quand même que l'Happy a perdu sa superbe, alors qu'elle était si populaire autrefois. Ah, ça. Faire casser la gueule, ça aide pas. Hein. Et lorsque tu l'approches, en effet, tu remarques encore quelques marques. Visiblement, les blessures ont été profondes. Son nez est encore légèrement tordu. Je m'assois à côté de lui. Salut. Salut. Dis-moi, tu serais pas où serait le commissaire? Et là, je donne le nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Et que je l'ai pas. Réel. Okay. Non, mais même là, je le comprends pas. Donc, on... un certain M. Royal. Ouais, exactement. C'est pourquoi c'est-à-dire qu'on a ramené, tu sais, le juge qui t'a fait ça. Attends, le mec qui est avec vous là? Ouais. C'est lui? Ouais. Tu le sens qui est tout de suite beaucoup plus tendu. Pas... Je le retiens. Bah, normalement, j'espère qu'ils sont pas juste à côté de moi, sinon ça nique un peu le truc. Non, mais... non, ils sont en retrait. Oui, je retiens. T'inquiète. Il aura son compte au moment venu. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on parle au commissaire, quoi. Putain, je l'avais jamais vu en face, le petit PD. Ah, en plus, il est chiant, quoi. Il se comporte comme une princesse. Mais du coup, si tu sais où est le commissaire, ça pourrait nous aider pour aller au plus vite pour te venger de ce qu'il a fait. Je reviens. Tu vois qu'il s'absente, qu'il va dans une arrière-salle. Puis il revient quelques instants plus tard, en compagnie d'un chroniqueur. Ce chroniqueur, vous l'avez déjà aperçu, je sais pas si vous vous rappelez de lui. C'est le chroniqueur qui accompagne régulièrement Prayel. Oui, c'est lui qui nous a montré la fiche, quoi. Exactement. Et c'est qui a la réputation d'ailleurs d'être légèrement dérangé. Pour pas dire complètement sadique. Même si en soi il est relativement calme, hein. Vous avez toujours eu des ententes, enfin des relations très professionnelles avec lui. Donc justement il y a Malware qui s'approche de vous avec son masque qui lui donne vraiment un aspect très menaçant, on dirait presque une machine qui déambulerait dans ce bar, qui semble pas s'amuser ni quoi que ce soit, qui semble juste être là. Et puis au moment où il s'approche de toi, il te fait rendez-vous à l'extérieur de la ville dans 2 heures, à côté de la ferme au nord, au sud-ouest. Ok. Il te pointe ta carte en effet un coin, donc tu notes à peu près l'emplacement dans ta tête. Ok. J'imagine donc qu'il y aura une ferme à proximité. Bon, sa voix qui, je sais plus si je l'ai reprécisé, mais qui est évidemment modifiée et qui lui donne un aspect très métallique. Ouais. Et qui participe à déshumaniser cette personne. Sans les chroniqueurs. Ok, je viens avec vous. Là, c'est Angel qui te parle. Oui, tout à fait. Dites-lui simplement que... je suis un collègue. Ouais, t'inquiète. Il m'a jamais vu en vrai. T'inquiète. De toute façon, si tu veux participer à un défoulement... Ok. Attends juste que l'histoire soit réglée, hein, si jamais, mais t'inquiète. Tu sais nous retrouver, du coup. Ouais, 2 secondes, je vais demander de prendre un truc pour moi. Ok. Malware, je peux avoir les clés de ton coffre, s'il te plaît? Bon, là, le chroniqueur se retourne d'un coup. Je vais chercher quelque chose dans sa poche et puis lui jette un trousseau qui rattrape en vol. Il va tellement sortir un fusil à pompe. Il t'accompagne jusqu'à l'une des arrière-salles qui est justement une espèce de stock. Il y a toujours un mec qui est planté là à garder ce qui se passe. Et puis en dehors de quelques armes sans doute utilisées pour les combats, tu as de grands casiers dans lesquels sont entreposées différentes affaires. Évidemment, l'un d'entre eux est ouvrable, par la clé. Okay. Et à l'intérieur, tu vois divers marteaux, tournevis, perceuses, qui pourtant est un outil vraiment extrêmement recherché et rare. Et justement, oui, voilà, recherché par les ferrailleurs. Car une perceuse en état de marche, ça vaut vraiment une certaine blinde. Et puis voilà, pareil, différents outils, des scalpels, des lames de rasoir, des machins, des poignards, une machette. Tu me conseilles un truc? T'as même des fils barbelés. Ouah. Alors, ça. Et je lui indique au doigt un truc, je suis perdu là, il y a tout truc, genre. Un truc qui fait mal, mais. Qui fait mal. Mais genre. Qui évite de tuer en un coup. Qui reste de tuer en un coup. Non, qui évite de tuer en ah, un coup. Ah, qui, d'accord. Justement, genre, si jamais il est pris d'une rage, qui nous fasse pas un coup fourré. Donc, un truc qui peut faire mal. Très bien. Ça, il peut s'amuser, mais pas trop. Tu privilégies donc une mort lente et rapide au profit de la formation. Hein. Exactement. Bon, après tout, il mériterait. Tu vois du coup qu'il s'empare de la perceuse. Ok. Sauf si tu veux vraiment expressément prendre autre chose. Non, c'est bien, mais que, évite. Oui, en effet, une perceuse, j'imagine, peut tuer extrêmement rapidement, mais. Oui, effectivement. Ça dépend vraiment de l'endroit où tu le plantes. Si c'est dans la jambe, j'entends, par exemple, je pense que ce sera moins. Ouais, mais moi, direct, je l'ai vu planter dans le crâne, en fait, c'est pour ça que ça me. D'accord, ok. C'est le mec qui a eu. Alors, même si, pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr que dans la vraie vie, ce soit si facile que ça que de planter la perceuse dans le crâne d'une personne. Je non, mais. N'avoir jamais essayé. Et bah, tu sais quoi, moi hier. Ça tombe bien que t'en parles. J'étais là dehors avec un pote et. Tu vois donc qui enferme ce casier des horreurs avec la clé du chroniqueur et puis vous rejoignez dans la grande salle. Évidemment, la perceuse est cachée, il l'a cachée dans ses affaires. Oui, je me doute. Avec lui. Ok. Moi, bien, à tout à l'heure, vous alliez comment vous. À cheval. Ah, ok. Vous serez là avant moi. Oui. Est-ce que d'ailleurs, Mokosh, du coup, tu retrouves Abby et l'avocat en plein milieu de la grande salle? Du coup, c'est bon, vous avez réussi à. Oui, il sera là. Il nous a donné rendez-vous à une ferme hein, au nord dans 2 heures. Enfin, c'est son chroniqueur. Enfin, il nous a donné rendez-vous, en gros. Oui, j'imagine que ça vaut mieux que d'être vu ici. Entouré de ses... Puis pour votre réputation, genre... tout ça... Ouais. Ouais, et puis du coup, c'est cool, ça sera sur le chemin. Donc je pourrais rentrer d'ici peut-être... Allez, demain matin, soyons fous. Ouais, soyons fous. Je vous jure. Ouais. Je te déteste tellement. Bon, allez, on y va. Oui. Allons-y. Au moment où vous repartez, vous voyez l'un des mecs sur le ring qui se fait écraser le crâne contre l'un des bancs. Enfin, éclater le crâne plutôt contre l'un des bancs. Et le sang qui... Juste peut-être une goutte de sang qui est... vole jusqu'au manteau de l'avocat à côté de vous. Une preuve qu'il était là. Ouais, exactement. Et puis vous ressortez. À ce moment-là, vous voyez Toric. Et plus aucun cheval. Non, j'ai... Vous le voyez plus, tu vois, en fait, tu vois Toric qui est en train de alors qui est de dos à vous, qui vous voit pas en fait. Et qui est en train de parler avec le cheval qu'il a eu pendant tout le trajet. Et qui essaie de lui dire, mais comment on fait? Comment il faut te parler pour que je comprenne? Comment il faut aller droit? Moi, je vois tellement. C'est vrai qu'il est devenu malade, c'est à cause du truc qui était infecté. Du coup, il est devenu malade, et genre, quand on sort, il rentre bouffer les chevaux, tu vois. Mais non. Et après, il se retourne et ça finit en Resident Evil. Mais non, moi je discute avec le cheval en fait. Je vois pas, hein, donc je suis en train de discuter avec le cheval. Okay. C'est trop mignon. Du coup, vous repartez en direction de la ferme que t'as indiqué, Malware. Une fois arrivé sur place, vous arrivez en effet au niveau d'une espèce de grand terrain vague avec juste un bâtiment à votre gauche. Et puis vous apercevez au loin les silhouettes de Pry L. Ouais. Et de Malware. Ils ne sont que deux. Et vous êtes assez rapidement rejoint par Lapi. Nickel. Lorsque vous descendez de vos chevaux, vous voyez qu'Adalbert, lui, reste sur le sien. Il va descendre. Ouais, clairement. Il y a beaucoup chez moi qui le regarde. Qu'est-ce c'est pas très courtois de rester à cheval. Ok, je vois. Non mais le mec il descend à son tour. Il avait pas spécialement il avait pas spécialement l'impression de faire ça dans l'idée de se barrer, mais simplement justement de prendre un certain avantage, de se mettre à son aise. Oui mais non. Oh mais oh. Il s'équipe toutefois de son marteau. Ok. Je m'équipe de la clé de Mokosh. Enfin je rigole, hein. Je sais pas qui. Vous vous rapprochez de Pryhel et de Malware. Vous voyez que l'expression de Pryhel, pardon, est quand même assez différente de d'habitude. Il a l'air moins amical et plus sérieux. Bon, salut les gars. Salut. Salut. Salut. Qui est-ce que vous m'emmenez de beau? Je pense que t'as deviné. Tu le reconnais. Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas 36 000 suspects potentiels. Non, on a fait, non. Ma question, c'est... pourquoi vous le ramenez? Ah, parce que... en gros, monsieur dit n'avoir rien eu à voir avec les contrats qui étaient mis sur nos têtes. Et... bon, normalement, on a eu des informations que c'était plutôt le contraire. Et parce que, bah voilà, pour Angel, fallait bien le ramener, que vous puissiez discuter de ça aussi, genre... En effet, et d'ailleurs, je trouve ça complètement inadmissible que vous ayez envoyé ces... personnes sur ma piste. Je veux dire... Vous êtes complètement fou. Je veux dire, je sais qu'on m'avait dit que les commissaires fricotaient avec la pègre et la... Mais là, ça dépasse tout. Moi, j'y peux rien. Hein. Là, c'est le commissaire. Ouais, clairement, là, on... Tiens, on regarde de côté avec l'arme sortie, et alors genre en fait, commissaire. On passe d'un côté à l'autre. Juste. Réponse. Un peu à la manière d'un match de tennis ou de ping-pong, vous tournez la tête de droite c'est à gauche. Pour exactement ça. Les deux hommes, les deux juges s'expliquent. Pour vous résumer, pas faire simplement un simple débat entre PNJ pendant 10 minutes. Vous voyez que Pryhel, lui, défend son opinion. Bon, écoutez, les gars, en effet, on n'a aucune preuve formelle que ce soit lui, mais votre contrat est tombé pile poil en même temps, quasiment, que la fois où Angel s'est fait agresser par ses hommes. Il avait une dent contre vous. Ça peut être que lui. Écoutez, puis, un contrat... Ouais. Doit être payé s'il est rempli. Mm-hmm. Comment sait-on à qui demander la rente? Alors oui, en effet, ça fonctionne souvent par, enfin tout le temps par intermédiaire. Et celui que vous avez, c'est l'un des plus gros du secteur. Ça veut dire que c'est un mec qui se terre à Ferropol. Et lorsqu'on tue des gens, c'est à lui qu'on ramène les preuves et qui permet d'effectuer la transaction entre deux tiers. Ok, donc cet homme-là, c'est qui a mis le contrat sur nous? Sans aucun doute. Mais il doit en avoir des tas. Et c'est pas impossible que la personne en question ait fait preuve d'un nouvel intermédiaire, qu'elle ne soit pas allée le voir directement. Enfin voilà, maintenant, c'est juste des histoires de réseau. Mais moi, je peux vous proposer quelque chose de bien plus simple et plus rapide. Mon ami ici présent, dit-il en pointant le chroniqueur... sera à le faire parler si vous le souhaitez. Alors là, vous voyez Adalbert qui recule d'un pas. Mais non, mais vous y pensez pas. Vous êtes complètement... Oh, écoutez, nous, on est là pour avoir une solution. Pour avoir une réponse. Alors, après, comment... Écoutez, mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Je vous ai dit que j'avais rien à voir avec cette histoire. Bon, de toute façon, ici, tu n'es pas innocent. Hein. Comment ça, pas innocent? Vous avez rien contre moi. Monsieur le commissaire. Ce silence. Oui. Monsieur le commissaire, je vais vous poser une question. Est-ce que, vis-à-vis de la loi... Mettre un contrat, quel qu'il soit mortel ou non, est légal. Bien sûr que non. Donc, je trouve ça absolument scandaleux que cet homme ici présent vous ait renvoyé sur ma piste Sans avoir vérifié au préalable. Je pose la question au commissaire. Ah. Pas au juge. D'accord. Et du coup, le commissaire, lui, te répond... Non, bien sûr que non. Donc, on est bien d'accord que si un contrat a été passé, ne serait-ce que même pour tabasser une autre personne, il est dans l'illégalité. Au hasard, une pie, hein, je veux dire. Au hasard. Et que si ce contrat est prouvé, de par des témoins qui sont au courant que ce contrat a été passé, ça ferait de cette personne une personne qui est coupable. On est d'accord? Oui, maintenant, c'est sûr que c'est compliqué si jamais ce sont en effet le réseau, on va dire, de monsieur qui a joué, il n'y a pas forcément eu de traces écrites, n'est-ce pas? Et là, vous voyez Adalbert qui... Oh, c'est bon, on va pas en faire tout un... J'imagine... Non, mais il n'y a pas besoin de traces écrites. Voilà, donc vous avouez par vous-même que vous êtes à l'origine de ce que la PI a reçu. Oui ou non? Oui, mais de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Mais écoutez... M'attaquer en justice? Est-ce que c'est un défi? Clairement. Quelles sont les sanctions possibles si ceci est prouvé, monsieur le commissaire? Eh bien, je dirais déjà de démunir la personne de ses fonctions. Ah, c'est peut-être pas mal, ça. Et puis, en effet, nous procédons, comme vous le savez sans doute, par l'application de tatouage, et il y en a tout destiné à d'actes dits de corruption. J'aime bien cette idée. Oui, mais en Donc attendant, voilà, vous monsieur le juge. Ça vous aidera pas avec votre problème de mise à prix. Non, voilà, monsieur le juge. Pour l'instant, là où nous en sommes, aujourd'hui, nous n'avons pas de raison. Enfin, nous n'avons pas de. Nous ne savons pas qui a mis le contrat sur nos têtes, mais nous savons déjà qui a mis un contrat sur la sienne. La sienne à qui? À la pie. Qui est ici présente. Donc vous pouvez voir de vous-même qu'elle a subi des dommages qui sont assez conséquents. C'est insupportable. Attendez, quoi? Comment ça qui est présente? Ah putain, je t'avais dit ta gueule. Et à ce moment-là, vous voyez en effet Angel qui pose son sac au sol, qui s'agenouille et qui commence à en sortir un poignard. Je me dédouane de tout ce qui va se passer. Et une perceuse. J'avais dit ta gueule. Écoute, moi je suis comme ça. Je dis les choses. Écoutez, vous n'avez pas laissé faire. Mais arrêtez-le. Alors du coup, je me dirige Il fait noir, j'ai du mal à le, voir. Vers la pie. Non, mais je dirige vers la pie. Je fais écoute, attends un peu avant d'agir. On va essayer de trouver des compensations, même pour toi. Mais t'es sérieux? Mais laisse-le le défoncer. Non mais vous êtes complètement dingue. Et là vous voyez Adalbert qui commence à jeter son marteau dans votre direction à toi, Gossed, enfin Torik et en direction de la pie. Simplement d'un mouvement circulaire, il le jette dans votre direction avant de prendre la fuite. Je vais donc te demander un jet d'agilité. Mouvement. Donc Non, ça c'est mobilité, qui a été traduit par mobility, si je dis pas de bêtises. Deux succès. Et moi, ce sera un tir. J'ai fait trois succès. Bon, bah je mange dans la gueule. Tu vas prendre plein la gueule. T'aurais dû fermer ta gueule. Oui. Tu vas donc perdre, je me permets. Non, on aurait peut-être mieux fait de prévenir. Combien as-tu de points d'armure? Alors, attends, j'ai 2. 2, tu vas donc perdre 5 points de vie. 4, pardon. Parce que j'imagine. Enfin, le coup, pour moi, moins d'impact étant donné qu'elle a été jetée. Enfin, c'est un coup à distance que s'il t'avait été admis au corps à corps. J'entends donc sur ta fiche 4 points de vie. Tu vois. Le coup n'a pas été extrêmement violent, mais ça te fait quand même tomber au sol, et la pie à côté également. Okay. Pense là, Mokosh Abi, vous êtes du coup témoin de la fuite qu'essaie d'entreprendre Adalbert, même s'il a un peu perdu d'avance. Le pécho. Il court vers son cheval. Oui, clairement. Bah, mais le cheval qui est quand même à quelques mètres. Hein. Ah bon? Oui. Ah, j'imaginais la scène beaucoup plus serrée, moi. Non, il y a quand même un certain espace. Ah, donc on a marché des mètres entiers entre... Oui, mais enfin, un mètre, c'est assez court, donc il est à quelques mètres de son cheval. Je veux dire, il est pas encore l'empoigné. Bon, ben, je laisse faire Abby parce que j'ai pas envie de courir. Ouais, bah, je cours et vu que. En plus, j'ai une petite âme rapide, je pense que je peux essayer de le choper, quoi. C'est ça. Oui, dans tous les cas, et seulement 2 ou 3 mètres vous séparent, donc. Oui, en plus, j'ai fait une course avec un jet méthane pour le coup, cette fois, je me trompe pas, donc. Oui. Eh bien, c'est parce que je vais te demander un jet d'athlétisme, puisqu'il s'agit clairement d'athlétisme. Là, putain, Cossette qui a foutu la merde, toi. Je vois pas pourquoi il a foutu la merde, hein. On prévoyait de le tuer, non? Mais vous attendiez que ça, 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Putain, là. Ouais. Mais oui, mais j'ai que 2 encore. Sur 6 dés. Bon, coche, t'aurais dû courir, je te signale que t'es... Je suis pas très d'accord. Et du coup, bah, j'ai fait 2 réussites, dont 1 déclencheur, mais vu que j'ai que 2 dés, je peux pas faire de plus. Tu vois, t'essayes de le suivre, mais t'es pris de court. Il commence à empoigner la crinière de son cheval et essaie de se hisser. Bah, je peux balancer ma lame. Mokosh, qu'est-ce que tu fais? Non. On va laisser Mokosh. Ouais. Ah oui. Mokosh, joue. Quoi? Mais je suis trop lent, moi, il y a des mètres entre moi et le cheval. Putain, mais... Bah, attends, bah, je vais aller vers là-bas et je vais juste fendre le crâne du cheval en deux, écoute. Ah! Ok, d'accord. Donc tu te déplaces en direction du cheval. Ouais. Puis vu la longueur de mon arme, ça devrait me sauver quelques trucs à marcher. Abby, tu m'as dit que tu tentais de lui jeter ton couteau, c'est ça? Oui, mais enfin, si je vois que mon coche se déplace, je vais pas jeter le couteau, je vais éviter de jeter. D'accord, très bien. Ok, tu t'écartes pour laisser la place, si tu vois. Donc mon coche, au moment où il commence à empoigner son cheval et qu'il s'apprête à partir, fais-moi un jet de force. J'ai de force. Sachant que normalement ton arme, si je ne dis pas de bêtises, te donne un léger malus à 2. En effet, tu as moins de dés à ton jet. C'est par contre, du coup, est-ce que par sécurité, pendant qu'il se passe tout ça, ou si c'est un peu trop court, genre que je puisse sortir l'arme de Tori que je porte, vu que je porte ton fusil de chasse, sans quel problème, on a une arme de... D'accord, cool. 3 déclencheurs. Oh. Mais on a cité combien de déclencheurs? 3 déclencheurs. Ah, d'accord. Okay. 3 réussites. Ok, contre seulement 3 réussites. Oh. Le cheval commence à faire quelques pas. Et puis d'un coup, toi, Abby, tu as quelques mètres, tu assistes au spectacle du cheval qui littéralement se fend en deux devant toi après un violent coup de Mokosh, vraiment la montagne qui vient d'abattre son cheval. La tête tombe au sol, il y a du sang qui gicle de partout. Évidemment, le corps du cheval s'en suit et Adalbert tombe et se retrouve coincé sous sa propre monture. Mokosh, des fois tu fais quelqu'un d'horrible. Mon dieu, mais... C'est complètement dingue. Oui. Bah, du coup... Est-ce que le commissaire et l'autre, ils font quelque chose ou... Je pense qu'ils sont battants. Eux, en effet, ils commencent à se rapprocher également. Eh ben, écoute, je pense qu'il est en bonne position pour le laisser à Angel, mais du coup... Avant qu'on te laisse, tu peux dire la vérité, est-ce que tu n'as vraiment aucun lien avec tout ça ou... Écoutez, non, s'il vous plaît, je vous promets, j'ai rien à voir avec ça et... Je... Tu ? Oh merde. Mais non Ah, oui. J'ai rien, mais rien. Je veux pas mourir, s'il vous plaît. Vous m'avez promis que je pourrais rentrer chez moi. J'ai la caution des chevaux à récupérer. Bon. Mon honneur. Déjà, ça s'en a pas. Ma fille. Et j'ai toujours été quelqu'un de droit, de franc. Ok. Bon, bah, apparemment, il a vraiment rien à voir, tant pis. Hein. Bon, bah, faut laisser la justice parler, hein, Angel. Fais ce que t'as à faire. Hein. Ok, en effet, à ce moment-là, vous entendez le bruit de la perceuse qui commence à s'allumer. C'est la première fois, une des premières fois que vous voyez un des tels appareils en action. Je le vois pas, parce que je suis pas conne pour regarder. Non, je voyais simplement la pie qui se pose à genoux sur la carcasse du cheval. Et Au moment où vous repartez dans votre dos. Pardon ? Il a rien subi lui comme dégâts, il a rien mangé. Enfin, tout va bien. Pour ah, lui. Si, il était tombé également avec toi, mais ça ne l'a pas tué non plus. Hein. C'était. Vu que le marteau a été jeté, il a quand même perdu un peu d'ampleur. Ah, du coup, avant qu'il fasse ça, enfin, dans le moment où il y a eu la poursuite, tout ça, machin, où je me suis relevé et tout, j'aurais aimé quand même demander au commissaire si il va y avoir des suites à ça ou pas. Je t'en fous, c'est pas le moment. Ok, ben, non, en parle au commissaire un tout petit peu avant. Et tu vois qu'il dit clairement que à partir du moment où Adalbert est au courant qu'il a été impliqué dans des affaires similaires, il était absolument pas envisageable qu'il reste en vie. Bah parfait, les sons, hein, je sais bien. Bah du coup je dis rien. Le commissaire et Malware sous les cris de douleur de Adalbert au loin. Par contre, en plein milieu de ce terrain vague. C'est horrible. Mais du coup, la question qui se pose, c'est du coup qui a fait ça ? Et on est d'accord qu'on s'est fait attaquer quand on est sorti de la forêt, chronologiquement parlant. C'était après. C'était après être sorti de la forêt. Oui, c'était après vous être rendu à Carf. D'accord. Donc je t'en veux dire que vu qu'on a fait sortir le mec, peut-être que c'était l'autre qui a eu du sang et qui a voulu l'attaquer. Ouais. Non, Simmons, Malware s'en est occupé personnellement. Vous avez aucun risque. Très bonnes personnes sont même au courant qu'il est sorti de la forêt. Là où il se trouve actuellement, il peut pas vous faire de mal. Ok, donc du coup, on a vraiment aucune piste parce que c'était le seul mec qu'on avait. D'ailleurs, pendant que vous discutez, à ce moment-là, vous vous rendez en direction de nouveau de Justicienne. Oui. J'ai juste une vraie question que je suis obligé de demander pour avoir l'esprit tranquille à notre cher commissaire. C'est pourquoi est-ce qu'il nous a mis sur cette piste sans vérifier ? Ok, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. T'avais un truc à te venger, mais c'est ça ? Il y avait quasiment aucun moyen vraiment d'être sûr et certain. En effet, sauf à moins de contacter l'intermédiaire, mais ça aurait été prendre des risques inimaginables juste pour une affaire comme ça. De toute façon, il n'y a pas vraiment. Vous prenez pas mal, hein. Mais j'étais vraiment persuadé que c'était lui parce que sur le coup, c'était la seule possibilité envisageable. Bah, on y est resté convaincu quelques temps, et en plus de ça, enfin genre, il y a pas de mal vu que ça nous permet de résoudre une autre injustice, donc après tout. Maintenant, j'ai mis Malware sur la piste de nouveaux événements qui sont en train de se dérouler en ce moment même. Et d'ailleurs, pendant que vous parlez, vous entendez au niveau de Malware une espèce de voix qui résonne, comme si quelqu'un lui parlait dans une oreillette ou une radio qui serait située dans son casque. Il s'arrête quelques instants et puis il se dirige chuchoter quelque chose à l'oreille du juge. Oh merde. Ok, suivez-moi. Juste avant qu'on parte, je fais bien comprendre à commissaire, les chevaux, on les garde. Le cheval. Enfin, les deux. Il y en avait trois. Donc, les deux, on les garde. Oui, mais de toute façon, il va mourir. Qu'est-ce que ton fou ? Mais non, on les garde. Je veux bien que ça devienne les nôtres. C'est cher. Bien sûr, de toute façon, qui va les demander ? Lui, il va mourir. Je le dis pas, voilà. Je préfère le dire. Ça, c'est dit. Ok. Je sais pas qui aurait voulu le piquer, mais. Vous retournez au niveau des chevaux et vous remontez dessus. Voilà. Vous voyez que depuis l'information que vient de leur donner le Malware, le juge a l'air assez dérouté. Écoutez, suivez-moi, il vient de se passer un truc. Et vous commencez à galoper. En direction du hôpital. Ok. Oh. Et au moment où vous arrivez au niveau des enceintes, vous avez un petit peu du mal du coup à comprendre, à cerner ce qui est en train de se passer. Tout s'enchaîne assez vite. Mais vous voyez une foule réunie qui semble observer quelque chose. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'hospitaliers qui semblent contenir les gens qui sont venus voir par curiosité. Et sur la place du hôpital, enfin à l'entrée du hôpital, un petit peu avant les abris, l'espèce de bidonville qui abrite les malades qui attendent d'être soignés, en plein milieu d'une place, alors que vous faufilez à travers la foule. Torik, tu reconnais Sarah Rash, qui était donc la... Je le répète encore une fois, mais la préserviste qui avait, que vous aviez croisée la dernière fois et qui avait mené l'assaut sur Minuteur. Sa tête tranchée, accrochée à une pique. Son corps complètement mutilé, posé juste à côté.